Bonus. Trax. Peggy 18. Cet épisode basé sur le Song au degré vous fera plonger dans les méandres et les vices d'Hollywood. Coke, machisme, grossièreté et mandale seront de la partie. Bonjour, un nouvel épisode sur la JDR Academy, je suis Artemis et aujourd'hui nous allons jouer à Jason Statham Big Vacation, ou en français, Les Grandes Vacances à Jason Statham. J'incarnerai le maître de Statham et j'aurai 4 joueurs avec moi qui amèneront Jason Statham, star international du cinéma, en vacances. Ces 4 professionnels vont devoir veiller sur lui parce que ses vacances pourraient être ruinées par son propre caractère impulsif et les machinations de son rival, le Wesley Sniper. Nous avons donc en premier celui qui trouve les plus grands rôles de Jason, personnage joué par Riley. Salut, je joue l'imposant Dominique Scam, l'agent de Jason Statham. Je suis là pour trouver ses meilleurs rôles. Et d'ailleurs, il y a Megalodon qui sort bientôt, de Mega Shark 2 là, qui sort. J'ai oublié le titre, ça commence bien. C'est The Meg. The Meg 2, voilà, c'est moi qui l'ai trouvé. Donc je lui ai dit, il faut que tu signes absolument pour The Meg 2. Pour épauler son agent, parce que tout n'est pas toujours simple dans le monde de Jason, nous avons une personne qui connaît les rouages les plus fins de toutes les lois mondiales, jouée par Hergé. Alors, je suis Maître Spinoza, donc je m'occupe de tout l'environnement juridique autour de Jason Statham, ce qui va de déposer des brevets pour les coups de tatane spéciaux qu'il met dans les films ou les lancers de couteau. Quand c'est un peu stylé, je demande au réalisateur de m'envoyer la bande vidéo et je mets des brevets et des droits dessus pour que si jamais ça se retrouve dans un autre film, je touche, tout le monde touche des royalties. Et puis bien sûr, dès que quelqu'un touche Jason ou s'approche de lui un peu trop près, l'autre jour une fan a ramassé le mouchoir dans lequel Jason s'était mouché, évidemment. Elle n'a pas versé de sous, donc je l'ai attaqué. Je me charge de ses missions de service public pour Jason. L'image qu'on a de Jason, c'est 2 choses, l'intelligence et la tatane. Si les rouages de l'avocat ne fonctionnent pas, il reste toutefois les muscles du personnage de Tibor. Eh bien moi, je serai le GG, donc le gentil garde, comme les gentils organisateurs, mais en plus musclé. Si quelqu'un s'approche trop près, c'est la tatane. Je m'assure de son intégrité physique, que rien ne vienne l'importuner physiquement. Et enfin, pour compléter cette équipe, nous avons le personnage joué par Spider-Crow, voyageur et amateur de sports extrêmes. C'est ça, vous avez fait appel à Francisco de Azevedo Ribeiro. Enfin, vous n'avez pas fait appel à lui, vous avez fait appel à la base à l'agence touristique Authentic USA. Et l'un de mes collègues devait partir vous accompagner dans un périple inoubliable pour régaler M. Statham cet été. Et malheureusement, il a ramené une dysenterie de son dernier voyage. Il ne sera donc pas présent. J'ai dû remplacer au pied levé. Donc je découvre en fait un petit peu toute la clique sur le tard. Et je me vois contraint de un petit peu improviser finalement ce voyage. Mais je vous promets un voyage inoubliable. Parfait. Alors, vous avez décidé d'amener Jason en vacances. Je vous ai préalablement fait tirer des dés qui vont correspondre à 4 excursions touristiques et 4 machinations du Wesley Sniper que nous déroulerons autour du jeu. J'ai en ma possession 4 jauges. Jason Statham ne peut pas mourir, mais ses vacances peuvent être ruinées par son propre caractère, comme je le disais dans la phase d'introduction. À savoir, Jason peut se mettre en danger, Jason peut éclater en sanglots dans la rue, c'est pas très bon et c'est très mauvais pour la pub, Jason peut être arrêté, et Jason peut littéralement se faire chier et appeler sa maman, interprétée par Hélène Mirren au téléphone, pour qu'elle vienne le chercher. On va jouer un jeu où on joue une caricature de Jason, pas le personnage qu'on peut avoir l'habitude de voir au cinéma. Pour commencer, Francisco, où est-ce que tu as amené tout le monde en voyage inoubliable? Moi, je suis d'origine portugaise, donc j'ai un petit goût pour l'Europe, forcément, donc je vous propose d'aller faire un périple en Europe du Sud. Où ça? Ibiza, la Grèce, Portugal, les Canaries peut-être. Par d'où déjà là? On est où? Quel pays? Quelle ville? C'est vous qui décidez, tous ensemble. On est de Los Angeles. On est à Los Angeles, bien sûr. Ça s'est un petit peu organisé sur le tard. On a un vol Los Angeles-Paris. Et après, malheureusement, je n'ai pas trouvé de correspondance. Donc on va devoir louer une voiture et descendre en voiture de Paris jusqu'au Portugal. Mon Dieu. Mais je vous promets un voyage inoubliable. Donc on va commencer ce voyage, nous sommes sur une aire d'autoroute dans le sud de la France, du côté de Biarritz. Ça fait un moment que vous roulez et Jason en a eu marre, il avait envie de prendre un petit café. Tous ensemble, vous êtes sur l'aire d'autoroute. D'ailleurs, vous êtes arrivé avec quoi comme voiture? Quelque chose qui claque, quelque chose d'un peu pourri dans lequel Jason s'ennuie? La société de location française n'avait plus grand chose de disponible, donc... Comment ça? Parce que moi j'ai demandé expressément un van limousine. Je sais. Assez confortable. C'est Jason, il est allergique aussi à la moumoute de voiture, faut vraiment du cuir, du très beau cuir. Je sais bien, c'est pour ça qu'on vous a pris une Toyota Prius toute option avec intérieur cuir. Ah ouais, mais non, ça c'est le mauvais plan, excuse-moi, je me suis beaucoup renseigné, il y a des vols de peau catalytiques sur les Prius, parce que ça contient des métaux rares, il y a toute une population qui les scie, et c'est fort probable que ça nous arrive, donc ça va nous poser problème cette histoire de Toyota Prius. C'est un peu tard pour en discuter, nous avons déjà roulé une dizaine d'heures ensemble, vous avez eu le temps de rendre compte qu'on était dans une Prius. J'ai le pantalon qui colle, comme par hasard, donc bon. J'aurais préféré une Fiat Panda, voilà, c'est tout, je le dis. Et où est-ce que vous avez mis Jason dans la voiture? Bah à l'arrière. C'est vrai qu'on est un peu nombreux, on est 5. Non. On est un peu serré. On a loué une caravane qui est tractée par la Prius, et Jason est dedans évidemment. Dans une caravane, mon dieu. Une Prius, ça tracte fort, ouais. C'est peut-être pour ça que vous avez mis 10 heures pour descendre. Pendant le voyage, vous l'avez laissé tout seul à l'intérieur? Il y a le garde du corps. Non, moi je suis resté avec lui. Parce qu'il y a toujours des coups de fil, j'arrête pas de recevoir des appels pour des rôles, donc je lui en parle à chaque fois. Je suis resté avec lui dans la caravane, bien sûr. D'ailleurs, j'aimerais bien parler à l'arrêt à notre guide touristique Francisco. Nous sommes sur la fameuse aire d'autoroute. Tu as fait une partie du voyage avec lui. Il a refusé pour l'instant de signer pour The Mech 3. Il trouvait que le 2 se terminait très bien. T'as raison, Jason. C'est nul. Les requins, ça se bine. Et j'ai des meilleurs projets là qui arrivent. T'inquiète. Par contre, ça cartonnait au box-office en Chine. Non, mais le marché chinois, c'est mort. Écoute-moi. Non, c'est mort maintenant. Faut viser l'Inde, le Bollywood, tu connais? Ouais, je connais, mais ça me tente pas trop là, franchement. Hey, Jason, fais-moi confiance. Est-ce que je t'ai déjà arnaqué? J'ai entendu dire que Luke, il voulait tourner le Transporter 4 et après Fast and Furious, je me sens de revenir là-dedans. Luke, il est toxique. Je suis pas là, mais je confirme par SMS, il faut éviter Luke. En ce moment, juridiquement, il y a des gros sujets sur Luke. On va éviter. Maître Spinoza, tu le connais, il m'a dit qu'il ne faut absolument pas signer avec Luke, donc moi je l'écoute. On était ensemble chez Epstein et en ce moment il y a des dossiers qui sortent, il vaut mieux éviter quoi. Va te dégourdir Jason, va prendre ton petit café, tiens hop, je lui donne évidemment des dollars. Il regarde là, moi, ça va être ma séance d'arts martiaux là, faut que je commence à faire quelques katas. Ah et merde, on peut aller derrière là, il y a une sorte de petite pelouse, là. Tranquille. Ouais mais attends, faut que je prenne mon Starbucks d'abord. Non mais il n'y a pas de Starbucks ici. Si, dans les aires d'autoroute françaises, maintenant, il n'y a que ça. Ah bon? Si, pas de problème. Monsieur Statham, bien entendu, il y a des Starbucks et c'est la vérité. Oui. Moi, je te fais confiance, c'est toi le guide. C'est moi le guide, et donc je peux même tout à fait aller vous le chercher si vous voulez. Commencez à faire vos assouplissements. Oui, tiens, je vais venir avec vous alors. On m'occupe. Et qui reste avec Jason, du coup? Ah moi, évidemment. Toi aussi, tu vas faire ta séance de kata? Je vais subir celle de Jason. Après, ouais, c'est ça, il s'entraîne avec lui, il se fait casser la gueule. Pourtant, t'es quand même bien plus musclé que Jason. Avant, t'étais garde du corps de Jason Momoa, et c'était un peu l'inverse, t'étais un peu freluqué par rapport à lui. C'est une période sombre, c'était le début de ma carrière, depuis j'ai retenu ma leçon, je suis passé aux stéroïdes. Okay. Comment t'es, toi, physiquement, d'ailleurs, par rapport à Jason? T'es chauve, t'as des cheveux longs? Non, cheveux courts, coupe militaire, c'est grand quand même, le bestiau, il avoisine le 1m85. De bonnes épaules, bon après voilà, c'est les petites picousses qui sont passées derrière, mais... Oui, t'as plus le profil de The Rock en ce moment que de Jason, quoi. Voilà, mais tu rajoutes 1 mm de cheveux sur le caillou et puis c'est bon. Vous êtes à côté du parking à poids lourd, un petit endroit où il y a un bel espace, quelques tables de pique-nique en béton, et Jason commence à faire ses katas. Il a ses lunettes de soleil, sa casquette pour bien entendu passer incognito, parce que rien n'est pire que mi-juillet en France du côté de Biarritz, où il y a tout un tas de petits bobos surfeurs ou de néerlandais qui descendent, et ça il aime pas ça Jason. Je vérifie qu'il n'y ait pas de gens autour qui commencent à s'agglutiner. Il est tôt le matin pour l'instant, parce que vous, bien entendu, vous avez fait la route de nuit, histoire d'éviter un maximum les embouteillages. Francisco avait prévu le coup, bien entendu. Tout à fait. Vous avez sale gueule, quoi. Donc, Maître Spinoza, Francisco et Dominique, vous êtes à l'intérieur de la fameuse aire d'autoroute. C'est la première fois que vous croisez ça, parce que Francisco, vous avez arrêté sur des aires sans café, et donc vous avez des toilettes propres. Ah. Avec un peu de queue devant, une petite boutique, une sorte de cafette. Vous avez même un Burger King. D'accord. Je passe aux toilettes. J'ai la machine à café, récupérer le Starbucks de Statham. Il n'y a pas de machine à café Starbucks. Par contre, t'as des machines à café Nespresso. Ah ouais, mais aïe. À des fois, je prends un espresso très très allongé là, à l'américaine, avec un max de flotte. Et une fois que j'ai le gobelet, je sors un feutre de mon sac et je marque Jason sur le gobelet. Parfait. Francisco, c'est un peu l'air de ton enfance, quand avec tes parents vous remontiez dans le nord pour voir la famille qui s'était établie en France, du côté de Paris, vous vous arrêtez sur cette aire-là, ça te rappelle le bon goût d'il y a quelques années. C'est ça, dans mon souvenir, les toilettes n'étaient pas aussi propres, mais effectivement, c'est une aire que je connais bien. D'ailleurs, il y a un petit buzzer à côté pour pouvoir noter la propreté des toilettes. En principe, je mets tête qui fait la gueule, je vote rouge, même si c'est propre. Ouais, c'est sûrement l'appel pour The Mech 3 qui t'a cassé les couilles. Non, je suis plutôt un connard, je pense. Francisco. Mm-hmm. Oh, mon petit, je peux vous appeler Francisco? Bien sûr, je peux vous appeler Dominique. Bien sûr, appelez-moi Dom même. Ah, dis-moi Dominique. Dis-moi, là tu nous emmènes au Portugal, tu n'aurais pas des contacts là-bas pour... Ouais, pour... Tu vois quoi, non? Vous voulez des filles? Oui, aussi, oui, c'est vrai, aussi, mais... de la blanche, quoi, de la poudre. Des filles blanches? Ah, de la poudre, pardon. Oui. Des filles blanches aussi, de toutes les couleurs, et aussi de la poudre. C'est pas pour Jason, hein, c'est pour moi. D'accord, oui, bah ça... Jason, il prend rien. J'ai bien un cousin qui connaît quelqu'un, enfin oui, je devrais pouvoir, une fois qu'on sera arrivé à Faro, je devrais pouvoir... À Faro, très bien, oui. Oui, oui, j'ai... Ah bah c'est vraiment très bien, parce que le trajet est long quand même. Oui, oui, oui, je sais. J'espérais vraiment qu'on aurait pu prendre un vol directement de Paris à Faro, mais c'est pas possible, donc bon, ça nous fait un road trip, c'est sympa. Ouais, c'est vrai qu'on se dépêche, enfin c'est médical, hein. Absolument ça, sinon je... Non mais j'en parlerai à mon cousin, là. Je lui ai envoyé un petit message là sur la route et puis on voit ça discrètement. Et puis pour l'argent, tu demanderas à Maître Spinoza, il a une mallette réservée pour ça. Maître Spinoza nous entend là ou... Non, il est pas loin quoi, il me connaît peut-être Maître Spinoza donc... Vous verrez ça directement avec mon cousin, moi je ne m'en mêle pas. Ok. Je me mets en contact. Bah, je te remercie Francisco, je te remercie. Je t'en prie. Le gentil garde, alors que t'es en train de faire tes katas, à côté il y a quelqu'un qui passe et qui fait « Tiens, salut Guy !» Mais alors, mec, qu'est-ce que tu fais ici? Tu fais des katas. Ouais, je le prends un peu à l'écart. Mais là, je travaille. Je peux pas m'appeler Guy quand je travaille. Mais c'est ton prénom, Guy. Ouais. Mais oui, mais le professionnel, c'est GG. C'est marqué là, là, et je lui montre le badge. Tu fais quoi? T'es avec qui, là, d'ailleurs? Un mec, un acteur ou un chanteur, je sais pas, mais bon, la routine, quoi. Tu peux le voir? Non. Allez, GG. J'ai dit non. Guy? Et il te regarde avec les petits yeux type du chapeauté. T'as tes papiers? Mes papiers? Mais je suis français, pourquoi tu me demandes mes papiers? Identité, on tes papiers d'identité. Guy, tu me connais, on a été à l'école ensemble. Et... Je lève la main, attention, là je travaille. Ouais, bon, t'oublies pas, hein, le déjeuner, dans 3 jours. Ah ouais, enfin dans 3 jours, si je suis revenu, parce que là on s'est fait planter par l'avion, quoi. Je fais toujours le plan, bon allez, salut Guy, hein. Ouais. Et il dit Guy bien fort, genre. Guy. Je contourne et je fais comme si je venais pas de l'endroit d'où a été émis le son. Alors que tu te tournes, tu te rends compte que Jason a terminé ses katas. T'as l'impression qu'il s'emmerde un peu, il fait « Bon, je cherchais mon café ». Et là, tu sais pas pourquoi, il commence à courir à grande vitesse comme s'il faisait un jogging et qu'il essayait de battre Tom Cruise à la course. Il court bien droit en direction de la station essence. Je commence à lui courir après. Ouais, t'essayes donc de le rattraper, je suppose. Oui, j'ai pas trop envie de gueuler, Jason. Je vais te laisser faire le premier jet de la soirée. Donc, D12 plus D6. Ok, et là, il faut que je fasse bas. Tout à fait. C'est un 11 et un 2. C'est peut-être parce que l'autre, il t'a bien embêté, mais Jason, il te met quand même une trentaine, quarantaine de mètres de distance. T'arrives pas à le rattraper. Et arrivé devant la station essence, il tombe sur Maître Spinoza, qui tenait son café. Je fais 40 kilos de différence aussi, là, c'est normal. Maître Spinoza, tu vois Jason qui arrive devant toi? Oui. Il court avec grande vitesse, et limite, il te heurte. Oh là, Jason, du calme. Tu sais bien que tu as plein de qualités, mais Tom courra toujours plus vite que toi. Mon café. Eh bien, écoute, je crois que ils vont aller te le chercher. Ils vont sortir d'ici peu avec ton café. Attends avec moi, calme-toi, Jason. Il faut que je te parle, d'ailleurs. Il te regarde avec ses petits yeux perçants. Bon là après, on a tout le trajet pour ça. Et il rentre dans la station essence. Qu'il est con, mais qu'est-ce qu'il est con, putain. Dominique, Francesco et Maître Spinoza, je peux vous laisser faire un jet. Un jet de... Un jet de rien. Quelque chose qui s'apparenterait à de l'observation. Il faut faire 4 ou moins, c'est ça? Oui. D6 ou D12? D12 plus D6. L'avocat, toi, tu dois faire moins de 6, parce que tu as l'œil pour le détail. Eh bien, ma foi, j'ai fait 3 et 6. Ah merde, j'ai fait 6. Dominique aussi, tu as l'œil. Même Francisco. J'ai fait 3 et 2. Vous voyez Jason qui se dirige vers Dominique et Francisco. Il y a quelque chose qui est apparu sur le sol qui n'était pas là auparavant. Une sorte de trappe. Et Jason se dirige avec force et vitesse devant. Vous avez quelques secondes pour l'intercepter si jamais vous voulez faire quelque chose. Ok. Une trappe qui s'ouvre dans le sol devant lui? Et c'est pas encore ouverte, mais elle n'était pas là quand vous êtes passé. Vous en êtes certain? Moi, étant donné que j'ai son café dans la main, je fais 2 pas chassés sur mon côté gauche en disant « J'ai votre café !» de manière à ce qu'il dévie sa course dans ma direction et qu'il ne marche pas sur la trappe, mais à côté pour aller chercher son café. Ok. Maître Spinoza? Je suis toujours dehors, là. J'ai pas compris. Il est rentré dans le truc. En fait, je me suis juste retourné. Je le regarde à travers la vitre et je le vois effectivement foncer vers la trappe. Et je répète, mais quel gros con. Et t'as Guy qui passe à ce moment à côté de toi avec force et vitesse. Peut-être l'aura-t-il pris pour lui. Qui arrive avec 2-3 secondes de retard. Oui, c'est-à-dire que je pense aussi que Guy est un gros con, donc s'il le prend pour lui, à la limite, je voudrais éviter de prendre une patate, mais... C'est écrit GG, pas GC, ok? Oui. Pourquoi je suis le seul mec intelligent ici? Mais d'accord, pas de soucis. Francisco, tu as vu une flamme dans les yeux de Jason, qui a vu son café, qui se dirige vers toi. Je lui tends d'une main tremblante. Et au moment où il passe à côté de la trappe s'ouvre. Au loin, Dominique, Tu pourras voir l'homme noir derrière des lunettes de soleil et t'as l'impression qu'il porte un katana dans le dos. Il est vêtu d'un blouson noir. Ouais, je le connais, ouais. Il te regarde d'un haussant le sourcil. Il te montre du doigt. Moi ? Il fait un hochement de tête. Ok, bah je lui fais un bisou. De loin. Ok, il est là. Je vais direct voir Guy, le gentil garde. Wesley, là, il reste dans son coin, il vient pas nous voir. Il vient pas vous voir, non. D'ailleurs, t'as l'impression qu'il s'éloigne, comme s'il rejoignait une voiture. Et je vois la couleur de sa voiture ? Une belle voiture rouge, bien saignant. Ok. Guy, là-bas ? Ouais. La voiture rouge ? Ouais. C'est Wesley ? Ouais. Notre pire ennemi. Il est dans le coin, il nous suit comme prévu. C'est pour ça que t'es là ? Ouais. Donc si tu le vois sa sale gueule, tu le défonces. Ouais. Si tu le défonces, tu seras payé double. Ok. Il est où ? Bah dans la voiture rouge qui est en train de partir, je crois. T'entends tout ça ou quoi ? Bah on est au même endroit, ouais. Tu rentrais et je dis attends, cette histoire d'être payé double. Non mais t'inquiète Spinoza, non, je suis désolé, on a rédigé les contrats et tout. Non mais Jason il est sur un gros projet, il y a le nouveau Expendables, là j'attends un coup de fil de Sly, donc y a pas de soucis. Non, on verra quand Expendables 7, 8, 9 seront signés, mais là je suis désolé, on peut pas payer plus les gardes du corps, ils nous coûtent déjà très cher pour ce à quoi ils servent. Bon, à la limite, ce serait de ma poche, voilà. Ok, d'accord. Sinon, je vais proposer à la limite des tickets resto. Maître, il faudra qu'on discute un peu tout à l'heure sur nos méthodes. Pas de souci. Vous voulez que je le chope ou pas ? Oui, go. Ah non, mais là, il est parti, là. Il faut que t'ouvres l'œil, là, on sait jamais. Il faut absolument qu'on arrive là-bas, parce que moi, je suis pressé. Hein. Bon, moi, de l'intérieur, je vous regarde un petit peu tous avec un œil apeuré, parce que vous me laissez seul avec la star. Ah oui, c'est vrai. Il est en train de boire son café, il a l'air un peu apaisé. J'essaie de le séduire en lui parlant des vacances qui l'attendent, mais j'aimerais bien qu'on vienne m'aider, parce que je me sens pas à l'aise avec lui tout seul. Ah, mais ça, c'est le bisutage. Hein. C'est trop de responsabilité pour moi. Non, dès qu'on s'en rend compte que t'es tout seul, on vous rejoint. Ouais, moi je viens, mais c'est vrai que Jason n'a pas beaucoup de conversations, quoi. J'ai toujours rêvé d'être l'avocat d'un mec comme Spielberg, James Cameron. Non, c'est Jason. Voilà, chez Jason, déjà pour lui expliquer les rudiments du droit, faut que je prenne des cubes et des... J'ai beaucoup pratiqué le droit. Ah oui, et le gauche aussi, je pense. Toujours les deux, on sait jamais de quel côté vont surgir les gens. Ça va être très long. Il reste de la route. Maintenant que j'ai pris mon café, je peux conduire. Conduire la Prius. Ouais. Vinny m'a contacté pour Fast Eleven. Je suis chaud là. Ça, c'est pas que t'es un Fast Eleven, hein, parce qu'il y a Vin Diesel, c'est soit toi, soit lui. Vous êtes plutôt concurrent en fait. Jason, je t'ai déjà dit. Ah. Il faut arrêter de tourner avec Vin Diesel. Ouais. C'est un gros con. Toi, à côté, t'es un génie, tu vois. Enfin, pardon, c'est pas ce que je veux dire. Faut que je m'entraîne pour le Transporteur 4. Oui, enfin. Non, Luc, c'est mort. Oublie Luc Besson, c'est mort. Aussi. Oublie Luc. Mais maître, je voudrais vous parler vite fait. Oui. Là, je dis ça discrètement au maître Spinoza. On a reçu une plainte. Vous vous rappelez de la soirée chez Guy Ritchie la dernière fois ? Oui, je vois tout à fait, ouais. Jason, il a tabassé le copain d'une meuf qui draguait. Enfin bref, le mec nous fait un procès. Oh là là. Une broutille. D'accord. Vous savez s'il y a des vidéos qui circulent sur Internet ? Pour l'instant, il n'y a rien. J'ai mis mes stagiaires sur le coup. Je vous tiens au courant, maître. Ok. En tout cas, on nie. On nie. Ah bah oui, il vaut mieux nier, oui, parce que c'est sûr que si dès le début on dit oui, on a tabassé des gens, on est assez mal parti pour le procès. Après c'est Jason, bah bon, ok. Alors que vous êtes en train de parler, vous avez un coup de klaxon qui retentit, vous avez Jason à l'intérieur de la prise qui fait « Oh, on se bouge ! J'ai envie d'arriver avant manger !» En me déplaçant vers la voiture, je commence à prendre mon téléphone et à appeler des détectives privés pour commencer à chercher des trucs salaces sur les gens qui ont été frappés. Sur la personne ? Voilà, exactement. Ok. Je glisse à Maître Spinoza. Par contre, Monsieur S n'a pas du tout le droit de conduire la Prius. Hein. Elle est louée au nom de l'agence. Il n'y a que moi qui puisse la conduire. Pour une question d'assurance, si vous pouviez le dissuader, je ne sais pas, peut-être lui dire qu'il n'y a pas trop d'intérêt à conduire une Prius, étant donné qu'à la maison, il a des Maserati et des Ferrari. Ouais, désolé Francisco, mais quand Jason il veut conduire, on peut pas l'en empêcher, quoi. C'est une question d'assurance surtout, hein, moi je... Bah on paiera, maître. Non, il a raison. Mais l'assurance, c'est un problème que si on a un accident. Oui, mais non, mais... Quand vous avez un bon avocat, l'assurance, vous pouvez lui faire entendre n'importe quoi. Laissez-moi faire... Jason, tu m'entends ? Rentre dans la voiture. Jason, il y a viande dans caravane si t'as faim. Attention, saucisson, viande dans caravane, Jason. Ouh, viande rouge. Je te laisse me faire un jet de docteur Lambrouille. Ok. Toujours D6 plus D12. Tout à fait. C'est avec ton D12, il faut que tu fasses 7 ou moins. Ah bah j'ai fait 7. Parfait. Mais mon D6, j'ai fait 2. D'accord, mais je reprends le volant après. Oui, Jason, pas de soucis. Je t'ai même mis une majorette à côté de l'entrecôte, tu vas voir. Tu vas pouvoir jouer à la petite voiture, c'est génial. Et il n'y aura pas de procès si tu la casses. Te regarde avec ses gros yeux sombres, Francisco, et te fait... On a intérêt d'arriver avant midi. Oh là là là. Je glisse un billet à Francisco en lui disant on appuie sur l'accélérateur. Oui, je veux bien, mais ça reste une Prius et on a une caravane derrière. Mais donc, je connais pas vos voitures là d'ici là. Ben, c'est basiquement de la merde. Ah, d'accord. Mais il n'y avait que ça. La Prius va à 110 chevaux, c'est une assez bonne voiture. On traîne une caravane avec un tas de muscles de 120 kg derrière. Non, non, honnêtement, on a encore au moins 12 heures de route, là, Biarritz-Faro. Ouais, let's go, là, on y va, allez. Limite, si vous pouvez mettre des calmants dans sa viande, peut-être que ça passera plus vite pour lui. Ou des somnifères. Oui, mais effectivement, je pensais à ça, une petite piqûre, il fait sa sieste. Ah, moi, j'ai stupéfiant. Hein. Ah, ben. C'est pour ça que je voulais chercher de la drogue, c'est que j'ai une compétence stupéfiant, mais je vois pas trop comment l'utiliser, peut-être là. Comme Barakuda, quoi. Ah bah, je crois que c'est le moment ou jamais, et pour le coup, je ferai celui qui ne regarde pas pour que vous puissiez l'utiliser. Je fais ça, maître de ça. Oui, tu peux. Je te laisse décrire comment tu rentres avec l'avocat dans la caravane, comment tu mets tout ça en place, et comment vous arrivez à entourlouper Jason, qui a l'air bien contrarié. Bon bah, je récupère dans ma valise une petite pochette noire, dans laquelle il y a des seringues toutes prêtes pour endormir Jason quand il est trop quitté. J'ai peut-être commencé à rouler pendant que vous discutez de ça dans la caravane. Je vais dans la caravane aussi, du coup. Je suis tout seul dans la voiture, là. Ouais, ouais, j'imagine Jason en train de jouer avec la majorette. Je m'approche discrètement pour qu'on discute de Jason et j'essaie de le piquer avec une seringue. J'ai fait 5. Tu arrives à lui glisser les stupéfiantes. Je te laisse déterminer la durée de l'endormissement. C'est des seringues avec des doses de cheval quand même, mais il dort pendant 4-5 heures quoi. Je lui en mets 3. Qu'il a la tête dans son assiette, c'est assez instantané quand même, comme effet. C'est bizarre parce que de loin j'ai l'impression qu'il respire plus quand même, à un moment. Non maître, non. Il y a juste l'effet secondaire, c'est les plaques rouges qui apparaissent sur son crâne, mais bon ça va disparaître. Là. Parce que tu sais que dans Hypertension, c'était un film, hein. Ouais, bah oui. Ok, d'accord. C'est inspiré d'une histoire vraie. Hein. C'est l'idée de Jason au départ. De toute manière, Jason amène toujours avec lui des défibrillateurs parce qu'il aime bien de temps en temps se mettre un coup de défibrillateur. Donc il a son défibrillateur portatif, donc je sais où il est dans la caravane. On n'est pas inquiet. Ok, très bien. Qui ? T'es monté dans la caravane ou dans la voiture ? Je colle au basque de Monsieur Statham. J'ai déjà du mal à le laisser quand il va aux toilettes seul, j'ai peur qu'il fasse des conneries. Mais non, je suis constamment derrière lui. Ça te fait quoi de le voir la tête dans un plat de viande ? D'ailleurs, la viande a l'air fortement appétissante. J'ai jamais dit que j'avais de l'affection, mais effectivement, la viande a l'air pas mal. Et puis, de toute façon, là, il va dormir 5, ce sera froid. Aidez-moi, Guy, on va le mettre sur la couchette, là. Ouais, pas de soucis. Bon, on le cajole, on le borde. Ça vous dit pas, on recule toutes les horloges de la caravane et son téléphone de 5 heures. Comme ça, quand il se réveille, on lui dit juste d'appuyer 5 minutes après manger. Ouais, c'est pas con, ça. C'est une bonne idée, mais je doute qu'il sache lire l'heure, mais c'est une bonne idée. Après, on va arriver de nuit. Bravo. On dirait que c'est l'Europe. C'est le décalage horaire. Non, non, on dirait que c'est une éclipse. Ouais, voilà, fameuse éclipse du décalage horaire. Parfait. Bon, il est bien, vous en pensez quoi du petit guide, là? Il a l'air sympa, hein? Non? Écoute, c'est à cause de lui qu'on a la Prius, quand même. Ouais. Bon, il a pas fait exprès, les gars, il remplace. Non, moi, je le comprends. Pendant que tu dis ça, Dominique, tu reçois un SMS que je t'envoie depuis la voiture disant que mon cousin sera bien présent à Faro quand on arrivera. Non, mais j'adore vraiment ce petit guide, hein. Il est formidable. Par contre, il téléphone au volant. Comment ça, il téléphone au volant? Non, mais tout le monde fait ça. S'il est pas trop con, il a le kit main libre. Il a sûrement un kit main libre, en vrai. Ouais. Oui, oui, le Bluetooth. Je viens d'envoyer un SMS, mais oui, j'ai le kit main libre. Ouais. Aujourd'hui, il est SMS, c'est vocal. Ah oui, c'est un vocal. Non, j'ai pas envoyé un vocal, non. Je vous propose de faire une petite ellipse sur les 1152 km qui vous séparent de Faro. Vous vous poserez à proximité de Faro, pas très loin de l'aéroport, dans un petit port. C'est ça. Et c'est là que Jason va s'éveiller, parce que bien entendu, Francisco, tu avais prévu une petite escale en bateau. Que tu sais que Jason, il aime bien les bateaux. Mais les jolis bateaux, des sortes de yachts. C'est ça, il aime bien les véhicules, donc je me suis pris mes arrangements avec ma famille sur place pour qu'on nous réserve un bateau avec un moteur plutôt sympa. Il y a de quoi s'amuser. C'est pas un bateau de pêche à la morue, quand même pas. Non, non, non, non. Ça va être un Prius boat. Non, là, j'ai essayé de faire les choses bien, je vous ai pris quelque chose de mieux. Après cette longue route, vous êtes fourbus. Donc on dort sur le bateau, c'est ça le plan ? Le bateau, ce sera pour demain matin, là c'est le soir, je propose qu'on dorme à l'hôtel, hein. Je vous ai réservé un petit hôtel également. Vous voulez que je vous présente le bateau maintenant ? Non, non, bah allons à l'hôtel et on prévient votre cousin qu'on est arrivé aussi d'ailleurs. C'est l'heure de faire du bateau. Je sais pas pourquoi, je suis super en forme. C'est sûrement la série de cata de tout à l'heure. Non, mais chez eux, on fera le bateau demain. Mais il est même pas midi, regardez les horloges. Non, en plus non, s'il y a le décalage horaire. Non mais Jason... C'est midi du soir là, c'est pour ça. Jason, tu sais bien qu'on peut pas conduire un bateau quand il y a une éclipse. Écoute Guy, tu sais combien d'heures de bagnole on s'est tarté? Je veux bien que le petit Francisco il ait fait plus rapidement que dans Game of Thrones le trajet qui restait, mais là j'ai envie de me dégourdir les jambes, ok? Mais sur le bateau, tu vas pas les dégourdir tes jambes. C'est une façon de parler. Qui est con ce chef. Non mais de toute façon au pire tu nous suis en nageant Jason si tu veux. C'est une bonne idée. Mais s'il y a des requins et il fait croquer c'est... Le garde du corps sera là, le garde du corps nagera à ses côtés et... Donc, tu savais nager Guy? Excusez-moi, je l'ai vu dans un film, il bat des requins même à main nue hein. C'est du cinéma. Non, c'était pas du cinéma, Dominique. C'était des vrais requins. Oui, Jason. Oui, bien sûr. Et à un moment, j'ai fait un câlin. Mais ils étaient dressés. Oui, voilà, c'était des requins dressés. Je fais un gros clin d'œil appuyé aux autres. C'est évidemment des marionnettes, hein. Et de la 3D, mais bon. Des animaux érotiques? Non. Essayez de sortir un câlin de requin. Bon, longue histoire. On a un procès là-dessus, d'ailleurs, maître. Bon, moi, je vais aller sur le bateau. Alors, tu nous as pris un yacht, Francisco. Je vous ai pris un pneumatique semi-rigide, quelque chose de puissant, maniable, il y a de quoi s'amuser avec pour toute la journée. Il est où mon yacht? Comment je vais faire de la plongée sous-marine, moi? Je regarde en direction de Dominique, de Maître Spinoza également, en faisant un petit signe avec mes doigts, genre budget. Je regarde Maître... Tout à fait, je suis désolé, Jason, on a tout passé dans la coque, dans la viande et la majorette. Donc non, Jason, il va falloir manger. Vous vouliez manger, là, il y a un repas à bord du bateau, du poisson et tout, on va... Il sort sa carte Platinum, il fait « Je veux mon yacht, on va chercher mon yacht ». Oui, mais alors, comment vous dire? Vous connaissez le... Non, il connaît pas. Maître, quand il sort la platine, c'est foutu. Bon. Oui, mais j'ai la main sur ses comptes, il peut rien payer sans que je... Vous avez procuration. Ah bah non, mais sinon, à chaque fois qu'il s'arrêtait quelque part, il achetait un resto, il achetait un bar, il achetait un magasin de vêtements, il achetait une boucherie, donc au bout d'un moment, on a convenu avec ses parents qu'il serait sous une espèce de curatelle. Voilà, donc c'est une carte jouée, en fait, qu'il a dans les mains. Alors j'interviens. Du coup, la compétence que j'ai, suivez-moi, c'est quoi? C'est pour essayer de forcer les gens à faire ce que... Les compétences sont assez génériques. La façon dont tu vas m'argumenter la chose, ça peut complètement passer sur cette compétence-là. Ne t'enferme pas dans une idée précise. Je prends Statham par l'épaule, dans un excès de confiance. Oula Aïe. Je passe mon bras sur son épaule. On prépare les papiers, maître. Je protège que Statham, je préviens. Et je dis donc, excusez-moi monsieur S, mais des vacances en yacht, vous en avez fait, mais des centaines. Moi je vous ai promis des vacances inoubliables. On vous propose quelque chose de nouveau. Un bateau léger, rapide, avec lequel vous allez pouvoir faire des pointes de vitesse comme vous en avez jamais fait. Le yacht, c'est fait pour les gras bedonnants, c'est pour se détendre. Là vous êtes un sportif, vous. Venez vous amuser. Ben allons-y, Francisco. De suite. Il a même pas lancé les dés, Francisco. Ça triche. Non, mais ok. Ouais. Ah, il a été tellement conquis par l'argumentaire que... Le roleplay. Ah, tu lui donnes un avantage, alors. C'est pareil, je lance toujours des 12, des 6, les deux à chaque fois. Oui, s'il te plaît, ouais. Ok. En fait, j'ai rien compris au principe du jeu, donc... Ouais, moi non plus. Je sais pas quelle est la seule difficulté. C'est moins que ta compétence. Tu dois faire 6 ou moins. Et t'as fait 9. T'as fait 9. Et le 1, il sert à quoi, alors? Si tu fais 6 ou moins avec l'autre dé, si t'obtiens exactement le même résultat avec le D6... Quelque chose d'imprévisible se produit dans l'esprit de Jason et il fait quelque chose de complètement farfelu. Ah oui, c'était ça, ok. Mais là, du coup, 9 sur 6, il est finalement pas très d'accord. Ouais, prends la relance, on a un point de relance, hein. Tu peux... Ah oui, tu nous as dit que quand on était particulièrement convaincant, on avait un pool de dés ou je sais pas quoi là, c'est pas ça? Vous avez un pool de dés que je vous offre, qui sont les dés tatamesques. C'est un peu l'équivalent du point de destin, donc vous avez un dé. On a un, ouais, pour l'instant. Pour l'instant, vous en avez un. En fonction des actions que vous faites, vous pouvez en générer d'autres. Ils vous permettent, si tout le monde est d'accord, de relancer un jet raté. Donc par exemple, là, de relancer ton D12 et ton D6. Sachant qu'on en a qu'un, ça vaut le coup de griller pour ça? Bon, moi je suis d'accord. Et on pourra en récupérer plus tard. Bah après, parce qu'en fait, concrètement, là, si c'est un échec, il veut pas te suivre, du coup. Il va acheter un yacht, faut qu'on achète un yacht. Peut-être c'est mieux en fait. Hein. Toi, t'es grave donnant, toi, tu préfères aller te la couler douce sur le yacht. Et confort. Et puis tu sniffes de la coke sur le cul des putes tranquillement, quoi. C'est mon projet. Doucement. Alors à ce niveau-là. Oh, mais le maître, il a un balai dans le cul. Il faut absolument qu'on prenne le yacht, en fait. C'est vous qui me dites, hein. Moi, j'avais prévu le bateau, j'ai des cousines qui ont des copines, il y avait ce qu'il fallait, hein. Francisco, je veux mon yacht. Ok, on va débloquer un budget yacht, maître. Il regarde par la fenêtre et voit un magnifique yacht dans le port. Il ouvre la porte et marche en direction de ce yacht. Voilà, ça y est. Je le suis. Bon, bah, on y va, on achète ce yacht, là. Là-bas, là. Vous l'achetez, carrément? Tant pis, au pire, on signe le film avec Luc et puis on l'achète, quoi. Je pars d'un pas pressé jusqu'à la marina pour essayer de savoir à qui appartient ce yacht. Je vais te laisser me faire un test l'œil pour le détail. C'est Maître Spinoza qui fait le jet, du coup? Ouais. Ok. C'est D12 plus D6 et tu dois faire 6 ou moins. Ok, c'est bon. 3 et 2. Easy. Sur le yacht, tu reconnais quelqu'un. Ouais. Kelly Brooks, la première femme de Jason Statham. Oh, putain de merde! Oh là là, on a des gros dossiers là, c'est très très dur. Arrivé à une dizaine de mètres, il la voit. Ah non, il la voit aussi. Ah putain. Kelly. Aïe. Bon, moi je suis sur mon portable, je suis en train de rédiger en PDF des documents juridiques pour nous couvrir. C'est pas elle qui joue dans Piranha? Si. Ah mais oui. Elle est en bikini sur le yacht. Elle est comme dans Piranha. Et elle regarde Jason en souriant. Ça s'est terminé comment leur histoire? Attends, je suis censé le savoir, je suis expert en Statham. Je peux pas faire un jet de expert en Statamesque? Pour connaître toute l'histoire entre Kelly Brooks et Régis. 5 et 5, ah merde. Aïe. C'est réussi, mais il fait un truc imprévisible, c'est ça? Jason saute sur le bateau et met sa main autour de la taille de Kelly. Ah non. Te revoir me procure... Non, Jason, tu sais que t'as une interdiction de t'approcher à moins de 5 mètres. Ah, putain, Jason. Ça s'est mal fini comme ça avec elle? Oui, oui, il y a eu un accord à l'amiable. C'est à partir de ce moment-là qu'on lui a privé de sa carte Platinum, si tu veux. Il y a eu gros versement, grosse négociation avec les avocats de Kelly. Et normalement, Jason va tenir éloigné parce qu'il a une tendance à retomber amoureux assez facilement. Et je pense que Kelly aussi, et ça donne pas de bonnes choses, tout ça, je pense, voilà. Alors peut-être que Kelly a changé, je sais pas, Maître Statham nous dira la réaction de Kelly, mais... Elle se recule, elle lui met une baffe. Tu oses revenir? Après tout ce que t'as fait. Non, pas le visage, Kelly, pas le visage. Bon, on court hein, jusqu'au bateau aussi. Faut intervenir, Guy, là. Je fais un gros plaquage de rugby sur Kelly. Elle vient d'agresser mon client. Aïe, aïe, aïe. Je vais te laisser faire ton deuxième jet de la soirée. Mes mains sont des armes. Oui. Il va la tuer. Ah, on est dans la merde. J'ai refait 11. Tu vas pour la plaquer, sauf que y a son conjoint actuel qui sort à ce moment-là de la cabine et c'est lui que tu plaques sur le sol. Et c'est Billy Zane. D'après Wikipédia. Attends, faut que je vois le gabarit qu'il a. C'est méchant au Titanic. C'est un méchant dans tous les films, de toute façon. Il a une belle moustache. Effectivement, je sais pas ce qu'il a dit, mais il a joué dans Titanic. Oui, c'est le méchant. C'est le méchant, ouais. Et dans Le Fantôme du Bengale, il est ridicule. Il joue pas son propre rôle dans Zoolander aussi. Et il est incroyable, Billy Zane. Quand il fait le défi défilé, là, il est là. Le défi défilé. Bon film. Sacré Billy Zane. C'est lui qui s'est cassé la gueule, du coup. Tu viens de plaquer Billy Zane au sol. Oh, voilà. Oh non, non, putain, je rédige vite un contrat, là. Quand Billy Zane est au sol, je m'approche de lui avec un document, parce que j'ai une mini-imprimante liée à mon téléphone, hein. Je lui fais, Billy, vous vous souvenez de moi? J'ai rédigé votre contrat sur Titanic. Signez-la, c'est très important. Fais-moi un truc de docteur de l'embrouille. Évidemment, c'est un papier qui dit « Je consens avoir été volontaire à être plaqué au sol pour m'entraîner à une cascade avec Jason dans un futur film, The Meg 3, que je vais être obligé de vendre à... » On fera pas The Meg 3. Il signe. Il sait pas ce qui se passe, il est complètement sonné ou t'as l'impression que c'est Guy qui prend sa main pour signer à sa place. Je regarde dans quel état est Billy. Il est un peu assommé. Il est complètement à l'ouest, là. Mais il va bien. Ok, il n'y a pas de souci. Qu'il le fasse signer, on dira que c'est lui, oui. Je le relève, là, je le tiens un peu par-dessous l'épaule. Il va très bien, regardez, je mets 2-3 petites baffes sur la joue et je le ramène à l'intérieur. Et t'as qu'à y faire, Christelle, t'es malade! Tu es ici, t'as grâce Billy! Mais qu'est-ce que tu me veux? Kelly, on va baisser d'un ton. Qu'est-ce que tu veux, Jason? On va baisser d'un ton, je m'interpose. Je prends Kelly et je la jette par-dessus bord, je fais, allez, vas-y, non, on se casse. Ça, c'est génial, ok, tu balances Kelly par-dessus bord. Est-ce que ouais. Tu peux me faire un deuxième jet, histoire de savoir si... À moins que je fasse un troisième 11 d'affilée, mais bon... Ah, alors là, si vous entendez bouh, c'est mon imprimante portative qui imprime plein de documents à faire signer par Kelly. Et pense à les faire plastifier avant de les jeter à l'eau. Si jamais il y a un gros mégalodon, on a peut-être une chance de s'en sortir. J'ai fait un au D12 et deux au D6. Tu me décris comment tu la balances, il n'y a pas de problème. Par contre, vous voyez que Jason a les larmes qui commencent à couler, qui a son petit cœur tout mou là, qui prend un coup. Non. Il a revu son amour de jeunesse. Du coup, je change d'avis, je balance Billy Zane par-dessus bord. Non, non plus. Oh non. Encore un document qui s'imprime. Hein. Je me suis mal exprimé. Il pleure pas parce qu'elle est passée par-dessus bord, il pleure parce qu'elle lui a brisé son petit cœur. Mais oui, mais justement, je le prends par l'épaule, je lui fais « Jason, t'es grand maintenant, t'es un homme, et t'sais ce qui fait du bien quand t'as le cœur brisé ?» C'est à ce moment-là que moi, qui n'étais pas monté sur le bateau, que j'étais parti m'enseigner la marina, en voyant le bordel qui se passe sur le bateau, j'ai sauté dans le petit semi-rigide que j'ai loué, et je démarre les moteurs et je fais beaucoup de bruit à côté du yacht pour essayer de... Ah oui, magnifique bateau, c'est pour l'inciter à me rejoindre, tu vois, genre... Ah non, mais on prend le yacht, hein. Viens, ça va être fun. C'est super fun. Ce qui compte, c'est de faire chier son ex. Alors là, on va monter sur le bateau et on va lui foutre des grosses gerbes d'eau en partant. Fais pas chier son ex, elle a rien fait, la pauvre Kelly, là. Mais regarde dans quel état il me l'a mis. Je fais des donuts dans le bateau avec mes cousines à l'intérieur. Ok, moi je propose qu'on change de bateau, on part avec Francisco. Pour qu'on va être Jason, fais-moi un petit jet de suivez-moi, s'il te plaît, Francisco. Il y a pas une de tes cousines qui ressemble à Kelly un peu, hein, qu'on lui fasse croire. Il y en a qui ont des formes, effectivement. Non, bah c'est raté. Fais la relance, non, parce que ça va nous aider. Le dé du destin, allez. Je suis persuadé que si j'étais la VK de Spielberg, je vivrais pas tout ça. Hein. Putain, c'est quoi ces lancers? Aïe, aïe, aïe, ok. Pose-toi, laisse-moi conduire, cette merde. Il prend Billy, il lui fout un coup de boule, et il balance par-dessus bord. Non, Jason, c'est pas possible, ah non. Putain. Ça, c'est mon Jason. Tout d'un coup, il se sent mieux. Sa jauge de tristesse descend d'un cran. Ah, ah ouais, ça, c'est un vrai homme. Bon, ok. Il saute depuis l'autre dans mon bateau ou quoi? Et qu'est-ce que tu fais de Kelly, Guy? Tu la balances par-dessus bord finalement ou tu la gardes? Ça dépend, elle veut rejoindre son copain ou elle veut rester avec Jason? Billy! Bébé va te tuer ! Prends la forêt ! Hein ? Je jette une bouée, parce que doit forcément y avoir une bouée sur un yacht. Ah, je croyais que tu disais que t'allais jeter Kelly. Hein. L'autre, il est inconscient, donc bon, je veux pas non plus de problème. Je file la bouée à Kelly. Et je fais, bah t'as qu'à lui passer ça, et je la jette à côté de... Jason, avant de sauter dans le petit bateau conduit par Francesco, qui regarde Kelly, qui fait « T'étais un mauvais coup !» Et il saute à l'intérieur du bateau de Francesco. On part, vite, vite, vite, maître. Laissez vos contrats, on part. Vite, vite, vite. Je laisse mes contrats, je suis dépité. Moi, franchement, là, j'ai plus de cravate et tout, j'ai les cheveux en barbouille. Ça commence à ressembler à un road trip. Je commence à trembler. Il faut absolument qu'on voit votre cousin, Francesco, après. Hein. D'ailleurs, Dominique, tu sens l'appel de la Blanche. Oui, oui. Et du coin de l'œil, tu réaperçois Wesley Sniper. Mon dieu. Au loin, en train de rigoler. Là-bas, tout de suite, je pointe du doigt. Mais... Il est là-bas. Il est sur le bateau avec vous. Et il est là-bas, regardez. Je plonge et je commence à nager vers Wesley. Wesley saute sur un petit jet ski qu'il y avait juste à côté. Il te regarde, il te fait un doigt d'honneur que tu vois pas parce que tu nages. Et il part vers le large, sur son jet ski. Bah, je fais demi-tour un peu dépité. Il est suréquipé, ce mec. Vous êtes équipé, vous aussi? Ouais, 2-3 trucs. 2-3 trucs. Des armes à feu? Bah là, elles sont un peu mouillées, mais ouais. Vous avez plongé avec vos armes, d'accord. Bah c'est vous qui m'avez dit d'y aller. Oui, ok, très bien. Bon, allez, allons-y. Francesco, t'es donc sur le bateau, t'étais au poste de pilotage, t'as Jason qui te regarde et qui fait « Laisse-moi les commandes, on va s'éclater un peu. » Ok, bon, là, il y a moins de risques que sur la bagnole. Ah bon? Il y a des ceintures? Je baisse un peu les gaz et je laisse prendre la commande. J'ai l'habitude de conduire des choses comme ça. Et directement, en moins d'une seconde, il passe de arrêt à... Un gaz. On s'accroche tous très fort. J'ai trouvé une fiole d'alcool. J'ai même piqué une seringue à l'agent. Je commence à voir des trucs chelous et tout. Alors, c'est peut-être pas le meilleur moment de se piquer quand le bateau est en train de faire des embardées. Ah mais si, mais justement, il y a Billy, il y a Kelly, là, tout ce qui est en train de se passer, c'est le bordel. C'est fini. Mais ils étaient bourrés, ils ont glissé, c'est bon. Fais-moi un petit jet pour voir si tu te piques correctement. Mon dieu. 12, il finit par venir. Alors, 12. Oh, super bon. Oh, voilà, le roi de la pique. Là, je me sens bien, là. J'ai tellement vu de gens se piquer dans ce milieu que je peux te dire que je me pique les yeux fermés. Au bout d'une heure où vous êtes en train de voguer, t'as Jason qui te regarde, Francesco qui fait « C'est le meilleur bateau que j'ai eu de ma vie !» Ben, j'ai fait un petit pouce en l'air comme ça avec un sourire. Super. Et avec l'autre main, je me tiens fort. T'as prévu quoi pour demain, mon petit? Je sais que vous êtes à l'aise en milieu aquatique et que vous aimez bien les requins. J'ai prévu une petite plongée dans le port de Faro. Dans le port? Oui, oui, juste dans le port. C'est trop dangereux après. Mais tu sais, mon petit, j'ai nagé avec les requins. J'ai même fait un câlin à un requin. J'ai un requin, c'est devenu mon ami. Ah oui. Je l'ai appelé Sylvestre. Oui. Un hommage à Syl. Tu sais, mon pote, dans Expendables. Oui, je suis familier. Bah là, vous pourrez faire des câlins, des mérous et des morues. C'est bien aussi. Non, pas trop, non. C'est pas prédateur. J'aime le danger. D'ailleurs, ce sera le titre d'un nouveau film que je vais faire avec Guy Ritchie. J'aime le danger. Non, non, mais non. On arrête Guy Ritchie aussi. Hein. Non, mais Guy, il faut qu'il se remette à la page, qu'il refasse des films sur Londres et tout avec moi, ça marche. Non, mais depuis qu'il est avec Madonna, il a changé. Hein. On peut plus faire ça. Bon, le dernier film qu'il m'a fait avec Opération Fortune, Russe de guerre, c'était pas fou. C'est un film qui est directement sorti en direct ou DVD parce que les méchants étaient les Ukrainiens et que devait sortir au début de la guerre en Ukraine. Et bon flair, notre Jason. Comme je suis complètement pété, j'ai pris mon téléphone et je suis en train d'appeler Steven. Non. Pour essayer de lui dire que j'arrête de bosser avec Jason et que je veux bosser avec lui. Tu te souviens de Madaf? Je suis sûr que je peux te rattraper le pognon. Steven, fais-moi confiance. J'attrape son téléphone et je le jette par-dessus bord. Non, Steven. Ingérable. Le téléphone tombe à l'eau. Vous avez Jason qui arrête les gaz. Il a cru entendre Maître Spinoza gueuler Steven. Il enlève son t-shirt et saute à l'eau pour essayer de rattraper Steven. Oui, bah oui. Vas-y, Jason. Va chercher Steven. Bon, quand est-ce qu'il arrive votre cousin, Francisco? Il faut absolument qu'on voit votre cousin. Non, mais là, on est au milieu de l'eau, quand même. Là, on est en pleine mer. Il peut venir et il nous rejoint, je sais pas. Je ne connais pas vos pratiques de portugais, mais ça doit pas être bien compliqué de venir jusqu'ici. Moi, je craque. Il n'a pas de bateau à lui. Il peut nous rejoindre au port quand on va rentrer tout à l'heure. Et je lui envoie un message et c'est bon. Mais... D'accord, bah rentrons au port, parce que là, c'est n'importe quoi, Jason. Oui, mais est-ce qu'on repêche pas Monsieur S avant? Monsieur S, c'est qui? Le téléphone? Non, Jason. Ah, d'accord. Si, si, bah, il va remonter tout seul. Steve, Jason, reviens. Maître Spinoza, tu vois que Jason émerge la tête de l'eau avec le téléphone dans les mains. Il fait « Je viens retrouver Steven !» Cool! Ramène-le-moi, Jason. S'il te plaît, ramène-le-moi. Tu récupéreras ta carte Platinium, la vraie. Comment ça, la vraie? Parce que celle que t'as, elle est en plastoc. C'est une commande, une vraie carte en vraie platine. T'as pas vu que sur la tienne, il y avait marqué Fisher Price, espèce de gros con? Je mets la main sur la bouche du maître. Non, chut, maître. Tu l'as insulté de gros con, il est venu te chercher quelque chose. T'as l'impression de voir une petite larme couler au niveau de ses yeux. Pense pas ce qu'il dit. C'est bien la première fois qu'il comprendrait la complexité d'une phrase que je lui dis, quoi. Je commence à faire un étranglement sanguin à l'avocat. Ah, j'essaie de me défendre et de pousser le gars à l'eau, quoi. Laisse-moi, j'en ai marre de bosser pour lui, c'est un crétin. Je passe mon temps à réparer ses erreurs. Guy, faites le taire, vite. Oui, oui, bah, ça prend 5 secondes. T'es un demeuré, Jason, un demeuré. Je me vais chanter la la la la. 2 au D12 et 4 au D6. Jason qui remonte, qui regarde entre deux yeux, Maître Spinoza. Est-ce que t'as un prénom, d'ailleurs? Louis Spinoza. Alors le problème, je suis désolé, mais l'étranglement sanguin, il perd connaissance. Ah bah oui, peut-être, c'est vrai. J'essaye de me défendre, je vais avoir assez peu de chance de me défendre contre toi, je pense. Est-ce qu'on joue ça au dé? Faut que tu fasses 4 au moins pour espérer ne pas succomber avant que Jason arrive à ton chevet. Sur un D12? Sur un D12. Ok. Bim. Non mais vraiment. Il fait 4. Non mais vraiment. Ça c'est la drogue. Guy, laisse-le-moi, je vais lui parler. Il te tapote au niveau de la joue, il fait « Louis, c'est bien ce que tu fais pour moi, mais... » C'est les vacances, détends-toi un peu. C'est pas des vacances pour moi, Jason. Faut que tu comprennes. J'ai l'impression qu'il m'écoute pour une fois. Tu peux pas faire des trucs comme ça, prendre un bateau, balancer des gens à l'eau. Tu peux pas, Jason, tu peux pas. Tu sais pas le travail que ça implique de surveillance et tout ça. Louis, je l'ai pas fait. Tu as bien marqué que on a fait une cascade, il a glissé tout seul dans l'eau. Et il était bourré. Ouais, non, je... Bon, oui, on essaiera de régler ça. Je reprends mes esprits, effectivement, surtout que l'étranglement a coupé la drogue qui arrivait jusqu'à mon cerveau, donc je me reprends. Le fait que Jason m'ait parlé normalement, ça me fait du bien. Par contre, tu sens que le garde du corps, il est très dangereux. Il a failli t'étrangler ou te balancer par-dessus bord. Mon rôle, c'est de protéger Monsieur Statham. Ok. Et vous faites très bien votre travail, Guy. Je lui mets un billet dans la poche. Merci. En voyant le billet dans la poche, je commençais à me faire la réflexion que l'agent a beaucoup d'argent et je me demande s'il se ferait pas de l'argent dans le dos de Jason. Ce qui serait pas conforme au contrat qu'a signé justement l'agent avec Jason. Bon, c'est quoi votre prochaine activité, Francisco? Je sens de la rancune. On a passé quoi? On a passé une après-midi là sur le... Vous êtes arrivé, il était 20h. Ah, on est parti de nuit, vraiment. On est de nuit. Je propose qu'on rentre au port là, qu'on profite tous de l'hôtel, du restaurant et puis demain matin, je vous emmène sur un très beau site pour plonger. Francisco, tu l'es conduit à quel hôtel le soir même? Faut que je regarde dans mon sac à dos, dans mes papiers, les réservations que j'avais faites, je n'ai plus ça en tête. Est-ce un hôtel de luxe? Oui, oui, pour Monsieur S, forcément, rien n'est trop beau, alors. Il y a un Ibis 2 étoiles. Ça, c'est génial. Franchement, si on se retrouve dans le Formule 1 du coin, avec les murs en carton-pâte... Non, non, on va aller à l'hôtel Faro and Beach Club, 4 étoiles. Hôtel de luxe et restaurant sur le toit. Ah, voilà, hein. Francisco, il a des bons goûts. J'ai mis un billet dans la poche. Non, là, décidément, je ressors le contrat qu'on a signé avec l'agent et je commence à l'examiner, là. T'as tous les contrats avec tout le monde sur toi? Ah bah, sur mon téléphone, oui, et puis comme Jason est allé le chercher... Oui, très bien. Faut le mettre dans le riz, quand même, ton téléphone avant, mais... Il est peut-être waterproof. Proof. Waterproof. Et c'est sur le cloud, de toute manière, donc il n'y a pas de souci. C'est vrai. Est-ce que tu peux me faire un petit test d'as de la loi, s'il te plaît? Il n'y a pas de souci, je te fais ça. Oh là, je fais 2 et 4. Il fait que des bons jets, maître. Tu retrouves le contrat et tu vois qu'il y a une sorte de porte dérobée dans le contrat qui fait que l'agent a accès à... Je crois 50% de son salaire, en fait. Réserve de Jason pour organiser tout un tas d'événements autour de Jason. What? Comment j'ai pu laisser passer ça? Dominique était là avant que tu signes avec Jason. Ça fait des années que je connais Jason. Ouais, ouais, je vais rédiger un truc dans mon coin et je ferai signer un avenant tout à l'heure à Jason. Vous êtes à l'hôtel, la soirée va bien se passer. Vous allez faire un petit peu la fête. Il y a peut-être d'autres cousines de Francisco qui rejoindront. Je sais pas ce que t'en penses, Francisco. Je leur ai demandé de ramener des copines. Donc là, sur le rooftop, elles sont 5-6 avec nous. Ouais. Il y a beaucoup de cousines, mais votre cousin, il arrive? Il est là aussi, il est au bar. Ah, c'est lui là, le monsieur avec les cheveux roses là? Ça, il attendait un signe de votre part, donc je vous laisse voir ça entre vous. Ah bah, très bien. T'avais fait privatiser l'hôtel, Francisco, pour le coup. Bah écoute, si tu le dis. J'ai dépensé sans compter. C'est très très bien, Francisco, ce que vous avez trouvé là. J'ai fait privatiser le rooftop. Pas tout l'hôtel, pas toutes les chambres, mais effectivement, on a le rooftop pour nous ce soir, avec les filles et le cousin. T'as certaines cousines qui te demanderont de se faire soulever qui? Hein, quoi? Mon dieu. Elles savent pas si tu peux faire des haltères avec une dans chaque bras. À soulever comme ça, ok. Ah ouais, oui, bien sûr. Ah ouf, j'ai eu peur, j'avoue, j'ai eu peur quand même. Non, parce que moi je l'ai pas signé le compte, enfin je l'ai pas lu donc. Ouais, non, mais pas de soucis. Une seule par bras? Oui. Oh, si vous voulez, je commence par une dans chaque main. Pas besoin de faire de lancer de dés, ne t'en fais pas. Tu les soulèveras tranquillement, ça fera partie de la blague. Et je fais des squats en même temps. Il y aura une grosse fête hein, sur toute la nuit, ça sera assez festif. Jason sera assez content d'ailleurs de ces petites fêtes. Il aura même oublié Kelly durant toute la nuit. Comme si elle n'avait jamais existé et l'altercation qui s'était passée tout à l'heure n'avait jamais eu lieu. Faut juste pas lire le journal de même attaque. Réveil matin, 6h, où vous entendez la musique dans la chambre de Jason et vous l'entendez chanter. Ah. Ça tape un peu contre le mur et au bout d'un moment, Dominique, ça vient frapper à ta porte. Je me réveille à côté du cousin en fait, j'ai couché avec le cousin, j'ai glissé. Oui, ah, c'est qui frappe? Je me lève. Ouah, c'est moi! T'ouvres? Oui. Calme-toi, Jason. T'es en retard, Dominique, on était censé partir là. Ah bon? Mais partir où? Francisco, il nous attend en bas. Francisco nous attend en bas? Bah oui. Oh, ça m'étonne, ça m'étonne, vu ce qu'il s'est mis dans le gosier hier soir. Il est jeune, il a plus ton âge, Dominique. Je suis pas si vieux que ça, Jason, déjà. Je rappelle que je te connais depuis Arnaque, Crime et Botanique. Ah bah oui, bah c'est moi qui t'ai trouvé ce rôle. T'étais dans la rue à ce moment-là, tu te rappelles? C'est moi qui t'ai sorti de tout ça. Alors techniquement c'est Guy, mais toi t'étais juste à côté en train de prendre le café. Voilà, c'est ça, et l'argent. Il est où Francisco là? Il est prêt en bas vraiment? Je regarde par la fenêtre de ma chambre. Je suis en bas sur le parking là, à côté de la Prius, et je regarde ma montre, j'attends que tout le monde descende. Ah c'est pas vrai, il est prêt, bon. On y va, faut réveiller tout le monde. Guy, tu l'as vu? Guy? Depuis hier soir, il a disparu. Guy a disparu? Bon, ça m'étonne, Guy, tout le temps là. Bah regarde, tu le vois là? Non, il est pas là, non. Voilà, bah prouve-moi le contraire qu'il a disparu. Bon, et Guy, je regarde un peu partout dans la suite. Guy est actuellement sur le rooftop, complètement à poil avec le slip sur la tête. Très bien. Et il tient encore une bouteille d'alcool à la main, il est affalé sur le bar. Guy, allô? Je claque du doigt devant son visage, j'ai une petite gifle. Il faut se réveiller et il faut y aller là. C'est vraiment une gifle. Ouais. Réflexe, hein, désolé, c'est rien de personnel. Je me prends une baffe, moi, d'un coup, garde du corps, l'instinct. Pas besoin de dés, hein, c'est du roleplay, ça part, Dominique. Tu vas voir une belle trace sur ta joue, côté gauche. Ok, bon, Guy, on y va, Jason est prêt. Vous êtes costaud, quand même. Oui, mais petite bite, parce que stéroïde. Pardon, non, je veux pas tout savoir, Guy, me racontez pas toute votre vie, ça me... Le slip, il est sur la tête, hein, il est pas... Ah oui, c'est vrai, mais... Est-ce que vous avez vu Maître Spinoza? Non. Je regarde s'il y a pas un autre mec en slip. Non, parce que Maître Spinoza, il a dormi dans sa chambre après avoir bu un petit thé. Oui. Ce genre de soirée ne l'intéresse pas du tout. Bon, je frappe la chambre du Maître Spinoza. Il allait se parler en pensant à Spielberg, quoi. Oui, certainement, c'est une occupation bien plus agréable. Maître? Oui, qu'est-ce qu'il y a, Dominique? Il faut y aller, là, Francisco, il nous attend pour la suite des vacances. Je suis en costard, bien habillé, je sens bon, j'ai mis de l'eau de cologne, j'ai mon slip. Sly va nous appeler dans la journée pour Expandable 5. Oui, bah oui. Donc il y aura un contrat à faire et tout. Ok. Et j'attends, là, c'est imminent. D'accord, ok, super. On a besoin un peu d'argent, hein. Alors avant de sortir, je prends le contrat que j'ai fait signer au responsable de l'hôtel sur lequel il a bien inscrit que tout ce qui s'était passé dans son établissement était de sa responsabilité et serait sous silence, et que si jamais il y a quelque chose qui sortait, il serait condamné à une peine financière. Parfait. Vous pensez à tout mettre. Ah oui, bah il faut bien, hein, qu'il y ait un cerveau dans cette équipe. Hein. Eh oui, c'est ça. Bon, allez, on y va ou pas? Oui, on y va. Jason, lui, était resté avec Guy en haut de l'hôtel. Eh, Guy? Tu sais comment on descend plus vite? Ouais. Vas-y, c'est quoi ton idée? Je regarde en bas. On est à quelle hauteur? 3-4 étages, je dirais. Faut que Francisco confirme. Oui, je confirme. C'est pas du tout à moi de confirmer. Je croyais que je m'appelais Francisco. On a tous passé la soirée là-haut, vous avez bien vu. On est quand même sur un hôtel de 7 étages. La chambre de Monsieur S était au 3e. Enfin, toutes nos chambres d'ailleurs étaient au 3e. Du haut de ces 7 étages, il y a une piscine, pas très loin de la Prius. Alors? On fait la course. Attends, on est encore sur le rooftop. Oui. Donc je pense qu'il doit encore y avoir des guirlandes, des trucs qu'on peut utiliser comme cordes pour se les accrocher. Bon, en attendant, moi je voulais plus et je fais pouette-pouette sur le klaxon pour appeler un peu tout le monde, parce que ça va être l'heure de partir là. De derrière le bar, je sors un bateau gonflable et je dis, je te l'offre celui-là. Mais tu me promets que tu mets la corde. Et non. Il court. D'un coup, j'accroche la corde à son pied. Et je prie pour qu'elle tienne jusqu'à la fin. Il saute, vise bien la piscine. Il fait un magnifique plongeon, comme à l'époque où il a fait les Jeux Olympiques. Ouais, parce qu'il était nageur, effectivement, ouais. Il tombe magnifiquement et il fait « Hey, Guy! Quoi? T'as perdu! Ah, ben, qu'est-ce que tu veux? Écoute, Allez, saute, maintenant! Oh, putain, vraiment. Là, c'est rude, par contre. À 7 étages, je suis pas en statam, moi. Je suis un humain normal. Je fais un signe de croix et je prends l'ascenseur. Parce que c'est hors de question. Et je sauterai du 2e étage. J'ouvrirai une fenêtre et... J'attrape une serviette de bain dans le coffre de la Prius. Je m'approche devant la piscine et je tends la main à Monsieur S. Pour le sécher. Il va être temps qu'on y aille, Monsieur S, si vous voulez faire votre plongée. Non, pas les mérous, par contre. Hein. Alors, je vous ai prévu un petit programme. Vous allez passer des vacances inoubliables. Je vous l'ai promis, je vous l'ai pas promis. Oui, mais les mérous, c'est oubliable. Hein. Je vais être triste, hein, si on fait les mérous. Il n'y a peut-être pas que des mérous. C'est à ce moment-là que j'arrive du 2e étage que je fais une gigantesque bombe. Ah, ben voilà. Bon, On y va là ? Le maître est là aussi ? Maître Spinoza ? Bien sûr, je suis là, oui. Maître, il y a Andrew Garfield. Vous voyez l'acteur qui s'est fait frapper chez Kirichi là ? Oui, oui, oui, je vois très bien, oui, oui, le Spider-Man là. Ouais, le Spider-Man nul là. Ouais, ouais. Et bah, du coup, il est d'accord pour retirer sa plainte pour 100 000 dollars. Je dis oui. Oui, finalement, il a assez mal négocié. On a déjà perdu plus que ça. Dites oui, oui. Ça se voit qu'il joue plus dans des films, lui. Ok, bon, bah, je dis oui, puis vous gérez ça derrière. Ok. Bon, bah, c'est une affaire qui marche ces vacances là, j'adore. Ah, mais moi aussi. Je surkiffe, vous avez pas idée. On a vu, on a vu. Francisco, tu me laisses conduire ? Allez, c'est à côté le port. On a une petite demi-heure de route, monsieur S, et puis non, encore une fois, la prise, je ne peux pas... Question d'assurance, c'est pas possible. Je suis déjà installé, du coup, je boucle la ceinture, je tourne la clé pour faire mine, je suis parti déjà. Vous avez Jason qui monte à l'avant. Je suis parti, tout le monde est dedans, je suis parti. Je vous laisse choisir la musique, monsieur S. Il mettra du Adele. Ah. J'éteins la radio. Où est-ce que tu les amènes ? Je les emmène sur la magnifique plage de Cavacos, à une petite demi-heure de route. Il connaît bien, il connaît bien. On a rendez-vous chez Open Waters Diving Center. On va aller plonger sur des épaves de vieux bâtiments de l'armada portugaise que t'es coulé à une trentaine de mètres de sol, oh dans lequel on peut apercevoir des langoustes. Des langoustes. Des mérous, plein de très belles choses. Une bien belle sortie. Jason, il est emballé par les épaves, mais bon, par contre, les mérous, tout ça... Non, mais faut... Je lui glisse à l'oreille qu'on m'aurait même dit qu'il y a un vieux bateau à vapeur de la Première Guerre mondiale. Oh. Avec encore tout son armement et tout, qui serait peut-être visible dans ce secteur-là, mais il faudra qu'on cherche un petit peu. Allez, on y va. Allez, à fond la Prius. On traîne toujours la caravane derrière ? Non, là, on l'a laissé sur le parking de l'hôtel, là. Donc on est à 5, dont 2 gorilles et un gros lard bien serré dans la Prius. C'est qui le gros lard ? Hop, je monte... Ah, c'est Adèle, ça, j'aime bien ça. Hop, je monte un peu. Ah oui, d'accord. Je monte un peu le son. Je vous propose qu'on fasse une petite ellipse et qu'on se retrouve sur le bateau, au moment où tout le monde s'apprête à sauter. Est-ce que déjà tout le monde décide d'accompagner Jason au fond, avec Francisco ? C'est mon devoir. Au fond de l'eau ? Moi non, en absolu. Moi non plus, ça m'intéresse pas du tout, non. Non, moi c'est trop dangereux, je risque de crever, hein, j'y vais pas. Wesley Snipes peut surgir de derrière une épave, c'est jamais. Bah, y a au moins Guy qui vient avec nous quand même. Oh bah oui, bien sûr. On y va à 3 et les deux autres ils restent. Moi je suis resté en slip, donc techniquement je suis déjà en maillot. Et puis t'es encore mouillé, tu t'es même pas séché là, t'en as foutu plein la Prius. Ça c'est un traitement de faveur, on donne une serviette au star, par contre le garde du corps, lui il va se faire voir. Hein. Moi j'ai bien noté qu'on m'a pas tendu de serviette quand j'ai atterri. Oui, c'est moi, mais moi je sais qui paye. Hein. Vos conneries à 6h du matin à l'hôtel, ça regarde que vous. Les fantaisies de Monsieur S, je peux encore les passer. Vous, vous vous débrouillez tout seul. Ce j'ai favoritisme. Alors Dominique, toi tu vas rester sur le bateau, le frigo est ouvert et il y a quelques bières à l'intérieur. Quant aux autres, vous plongez et Francisco va guider l'expédition vers les épaves. Je t'en prie, lance la description, fais-toi plaisir. J'ai un détendeur dans la bouche, je peux pas parler. Je leur fais signe de descendre, donc on est dans des eaux azur magnifiques. Le temps en plus est superbe. On descend, comme je le disais, à une petite trentaine de mètres, donc on voit différentes faunes locales. Mais surtout, on aperçoit une sorte de vieux galion de l'armada portugaise, comme je leur avais indiqué. Donc du coup, je leur fais signe de se glisser à l'intérieur pour aller essayer de voir les langoustes de près, parce que je sais qu'elles nichent dans ce coin-là. Jason, il est en train de regarder à droite, à gauche. T'as l'impression qu'il souffle bien dans son détendeur. Je vois un magnifique mérou, mais alors un magnifique. Et je lui fais signe, regardez, regardez, c'est très excitant. Et il voit le mérou, il se dirige vers le galion, parce que le mérou, c'est bon dans un plat, mais lui, il s'en fiche un peu. Il essaye de s'approcher de ce magnifique galion, qu'il essaye de regarder un peu ce qui reste encore sur le pont et qui est à peu près exploitable. Et il sort une sorte de lance d'abordage qu'il avait, et regarde avec la lampe, et il fait un gros signe, genre il est tout content. Ok, bah je lui fais un pouce vers le haut également. Ouais. Non, ça veut dire remonter ça, donc je lui fais un anus avec les doigts. Ça ressemble pas du tout à l'anus. Mais c'est un lapin. Mais si, c'est comme ça que Guédré fait ce signe. Elle appelle ça faire l'anus avec les doigts, Guédré. D'accord, d'accord. Ceux qui sont sous l'eau avec Jason, je vous laisse me faire un test de l'équivalent d'observation. Oh, mais il est là, le gars, encore. C'est quoi le degré de difficulté ? 4, sauf pour l'avocat, ou c'est 6. J'ai fait 2 et 2. Mais il est pas dans l'eau, l'avocat. Oui, l'avocat est pas dans l'eau. Non, non, je suis au téléphone avec Christopher Nolan. Pour Oppenheimer 2, le retour. Moi, je suis au téléphone avec Sylvester Stallone. Eh ben, j'ai fait 2 également. Enfin, comme il va pas nous échapper, Wesley Snipes, là. J'ai fait 2 et 5. Oh, t'as fait 2 aussi. J'ai lancé 2 des 6, donc j'ai fait 2 et 2, en fait. Ah oui, donc il se passe quelque chose. Le mec a eu 4, 2. Sous l'eau, il y a un énorme requin. Un meg. Évidemment. Un peu moins grand. Il y a Jason qui se lance dessus avec le harpon. Putain de merde. Ok. Voyez le requin blanc des dents de la mer, 2 fois plus gros. On est sur un bon 14 mètres, quoi. Il avait pas envie de lui faire un câlin. Hein. Il attaque, il se jette dessus. Est-ce qu'en tant que garde du corps, j'ai un harpon au cas où? Lance-harpon, un truc... Alors, le truc de location de plongée nous fournit un petit schlass au niveau de la cheville. C'est au cas où on s'empêtre dans des filets, donc... Oh bah on va partir avec ça, alors, hein, bah, c'est tout ce qu'on a, vu qu'on n'est pas parti pour chasser, on va pas de lancer. Mais lui, oui, par contre, et je pointe le requin du doigt. Pour moi, le garde du corps était parti pour chasser le fameux Wesley. Ah oui, ah oui. Potentiellement, et parti avec un harpon. Ah, peut-être, oui, ok. Je me cache dans le galion avec mon schlass dans la main. Je vais te laisser faire ton jet d'attaque, Guy, et après nous repasserons à nos amis qui sont sur le bateau. Alors, vu que mes armes sont aussi des armes, j'ai fait 1 D12 et 2 au D6. Putain, je suis abonné aux deux. Ça touche, c'est bizarre, quand ton harpon touche, ce n'est pas du sang qui tombe. La peau autour du requin s'effrite, bouge bizarrement, comme si c'était pas un vrai requin. C'est un animatronique. Et en haut, qui est au téléphone avec Nolan? C'est moi, on est en train de parler d'Interstellar, je suis en train de lui dire que c'est vraiment mon film préféré et que ce serait un vrai plaisir de travailler avec lui. Oui, mais écoutez, Maître Spinoza, c'était pas forcément le meilleur pour moi. Ah bon? Je suis pas sûr que Nolan dirait ça, hein, mais d'accord. Le meilleur reste le premier que j'ai fait, mais maintenant, j'ai jamais réussi à régaler la surprise. Alors, c'est Halloween le premier. D'accord, bah écoutez, monsieur Nolan, en tout cas, quoi qu'il en soit, si jamais un jour vous avez besoin, je suis là. Je me tiens prêt et disponible pour gérer vos affaires. Mais vous n'êtes pas l'avocat de Jason? Les compétences sont très spécifiques et s'appliquent pas forcément à monsieur Statham. La réalisation, l'artistique, des contrats où il y a intellectuellement quelque chose à défendre, ça me correspondrait plus. Ah oui, c'est vrai que bah, les films du type Fast and Furious sont pas forcément les films les plus intellectuels. Et puis au-delà de ça, la personnalité de Monsieur Statham est loin d'être la plus intellectuelle. Pourtant, Guy en dit que du bien. Oui, oui, sans doute, sans doute. Il faut dire que la personnalité de Guy est proche de celle de Monsieur Statham. C'est vrai que je préfère un mec qui est capable de penser une fin comme celle d'Inception, par exemple. Une fin qui est tellement brillante, Monsieur Nolan. Bon, vous trouvez que mes fins sont plus brillantes que celles de Guy? Ah oui, Guy a pas fait grand chose, hein. Enfin en tout cas, j'ai pas souvenir qu'il ait réalisé un film. Il parle de Guy Ritchie. Il parle de Guy Ritchie. Ah oui, drôle malentendu, je pensais qu'il parlait de Guy, le garde du corps. Mais êtes-vous d'accord pour l'appeler Guy Ritchie, ce sera peut-être plus... Peut-être c'est mieux, oui. Non, mais c'est génial comme malentendu. Ah, Guy Ritchie. Ah oui, non, Guy est très bon, mais j'ai déjà eu l'occasion qui est avec lui... Et en fait, il a préféré partir sur notre avocat, avec son divorce avec Madonna. D'ailleurs, il aurait mieux fait d'être avec moi, mais voilà. Guy n'est pas la personne avec laquelle j'ai envie de plus collaborer. Voilà, voilà. Et donc, sans doute que cet appel va tourner court, parce que je vois qu'en bas, sous l'eau, ça s'agite. Tu vois beaucoup de remous. D'ailleurs, à côté de Minik, toi, t'étais au téléphone avec Syl. Le chanteur? Nice. Syl, c'est Kiss from a Rose, quoi. Il m'a proposé de faire la BO et j'ai dit non. Non mais en fait, depuis j'ai raccroché parce que j'ai eu une offre qu'on peut pas refuser. Hein. Donc je vais en parler à Jason. Mais je suis bourré de cocaïne évidemment. T'es encore plus blanc qu'avant quoi, et pourtant tu prends le soleil. Je suis éclaté complètement. Wouh! Sous l'eau, Jason essaye d'attaquer la sorte de requin. Et au bout d'un moment, le requin bouge plus, sans qu'il y ait du sang qui part. À l'arrière du requin, une sorte de capsule qui fait à peu près un Jason de haut sur un Jason de large est expulsée du requin. Un suppositoire requin, dis donc. J'ai déjà vu ça dans une bande dessinée belge. Ouais, ouais, avec Rackham le rouge, ouais. Francisco, du fond de ton galion. Oui. Tu vois Jason avec sa sorte de harpon qui a l'air trop content. Bon, faut qu'il continue de taper. Hein. La capsule, elle s'est déjà barrée à grande vitesse. Grande vitesse. Mais c'est pas le temps de tirer dessus. Je sors de ma cachette maintenant que le danger est passé, parce que moi, j'étais clairement pas parti pour affronter le requin. Et j'ai fait mine avec le pouce de remonter. Tout le monde s'exécute. Hein. Arrivé à la surface, Jason nage vers toi, te prend vers les bras et il fait « Francisco, c'est la meilleure plongée de ma vie. Je suis prêt pour The Meg 3, le retour !» Moi, je suis encore tout tremblant de ma plongée. Je vous avais dit, monsieur, les meilleures vacances de votre vie. C'était mieux que le Mero, hein. Des gros mérous. On remonte sur le bateau et on se met en route pour le gala. Je regarde en direction de l'avocat, je le regarde de manière un peu affolée quoi. Putain les gars, vous avez jamais le croire. C'était trop bien. Qu'est-ce qui s'est passé Guy? Oh, on s'est fait attaquer par... Je me penche vers eux pour susurrer. On s'est fait attaquer par Wesley Snipe dans c'est un... C'est possible. Mais dans un requin. C'est un faux requin, un animatronique. D'accord, d'accord. Vous non mais il s'est fait éjecter. Bon, tu veux y aller? Tu veux plonger? Tu veux que je te balance à l'eau? Déjà je te donne un billet et tu vas te calmer, d'accord? Bon, rentrons parce que là, Jason, il y a un gros contrat qui vient de tomber là. Ah bon? Jason, assis-toi. Oui. Il y a un casting en fait pour Barbie 2. Oh oui! Le 1 a cartonné là et donc il cherche un nouvel acteur pour faire Ken. Oui, ok. Et donc je pense que t'es parfait pour le rôle en fait. Ah oui, oui. J'ai déjà dû en fait. D'accord, c'est qui Barbie? Tu sais Barbie la poupée là. Classique. C'est qui l'actrice? Margot Robbie, là. C'est la blonde, là. Je vais prendre la place de Ryan Gosling. Ouais, ouais, parce qu'il part sur un autre film. Longue histoire. Ouais, ouais, ok, ouais. Tout est négocié. T'as juste à signer. Enfin, faut qu'on fasse un contrat avec le maître. Pardon. Moi, c'est fini. Du Nolan, il a dit ok. Donc je fais un gros doigt à Jason et à Dominique et je leur dis de bien aller se faire en pire. Et comment ça? Je mets la main sur l'épaule de Spinoza. Il y a un petit problème, c'est que pour le moment, t'es sur le bateau avec nous quand même. Ouais, tu sais que j'ai les bandes vidéo de toi hier en train de niquer tout ce qui bouge. Viens pas trop me chercher parce que sinon ça va circuler sur... Pas possible, je suis impuissant. Tu mens. Oui, bah du coup, on t'a vu en mauvaise posture être incapable de faire quoi que ce soit. Donc c'est encore pire, ça va circuler sur Internet, tout ça, tu seras plus embauché par personne. Je le regarde droit dans les yeux avec un regard très très noir. Bon, on va arranger cette situation. Louis, tu peux pas me quitter comme ça. On a le gars là... Là, dans le musée des lustres et des chandeliers, il faut qu'on y aille. On en discute après, si tu veux. Jason, je reste dans le bateau, mais sache que je ne suis plus ton avocat, que je n'ai jamais été ton ami, que je te considère depuis le début comme un demeuré, et que tu resteras, à mes yeux, un acteur raté, incompétent. Je commence à le réétrangler. Ouais, il faut le tuer, je pense. Bon, on verra ça plus tard. Non, on ne tue personne, à part les mégalodons. Et ça, c'est la lie pour l'écosystème. Ça peut s'arranger. J'ai un mégalodon par terre. Jason, depuis que t'es fan de chandelier, par contre, ça m'inquiète. Hein. Pendant que l'autre essaie de m'étrangler, j'ai appuyé sur valider. Il y a une vidéo du garde du corps avec sa mini-tub qui va sur les réseaux sociaux. Il y a marqué Little Guy, voilà. Sauf que t'as tagué Guy Ritchie sans faire exprès, quoi. Exactement, ouais. J'ai tagué Guy Ritchie sans faire exprès. Nolan aussi, tu sais, parce qu'il était dans mes contacts. Voilà. Tu t'es grillé en un message, quoi. Oui, mais je l'ai pas vu encore, j'ai pas fait attention. Guy, pas Louis, s'il te plaît. Mais c'est un sale traître. Non, c'est quelqu'un de respectable. Bah non, c'est un avocat. Même s'il trouve que je suis nul, dans Mécanique et Mécanique The Resurrection, j'étais pas très bien. Mais personne n'est parfait, Jason. C'était meilleur film, Jason. On va se préparer, j'ai bien envie de faire le gala, là, ok? Mais oui, faut changer les idées. La plongée, ça nous a pris une bonne partie de la matinée, et là, on prend la route. Alors cette fois-ci, on prend l'avion. On a un petit voyage cet après-midi, et c'est pour qu'on arrive ce soir dans un lieu incroyable. Ah! Bon, je vous cache pas qu'il est tenu par l'un de mes cousins. Très sympa pour vos cousins d'ailleurs. Oui. J'ai dû une chandelle, c'est le cas de le dire. Clin d'œil. Ah, mais il a pris une belle chandelle, ouais. Nous allons atterrir à Marseille. Oh merde. Et après, prendre une bagnole pour remonter un petit peu jusqu'à Gargas, dans le Luberon, juste à côté d'Avignon. Et on va aller visiter la lustrerie Mathieu au cœur du Luberon, sur la route des ocres. Les ateliers Mathieu Lustrerie restaurent et créent des lustres d'exception. La lustrerie. Pour les lieux les plus prestigieux du monde. Régis Mathieu et une vingtaine de compagnons ont développé des techniques uniques afin que chaque pièce qui passe entre leurs mains devienne une véritable œuvre d'art. Ah oui. Qui égale ou dépasse le niveau d'exigence des maîtres du XVIIIe siècle. C'est là qu'il y aura le gala le soir même, d'ailleurs en partenariat avec le film Cluedo, dans lequel Jason Statham a joué le colonel Moutarde. Avec une perruque, bien entendu. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que cette carrière? Moi, de toute manière, dès que je suis sur la terre ferme, je prends un scooter là et je me casse. Je vais en scooter rejoindre Christopher Nolan. C'est un peu loin quand même. Tu reçois un mail, Christopher. Ah! Je fais what? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends pas. Je commence à qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois le mail précédent que t'as envoyé à Guy Ritchie avec Christopher en copie. Ok. Je vais rester encore un petit moment avec Jason. Leur route en scooter va être longue. Tu auras loupé la visite magnifique de l'atelier. Tu pourras les rejoindre à l'hôtel d'à côté. Ouais, ok. Si on veut toujours de toi, maître. C'est une trahison que tu nous as faite, Jean. Oui, c'est vrai que Dominique piqué dans la caisse de Jason, c'est pas du tout une trahison. Putain, bon, vous voulez revenir, maître? La place est libre, hein. Vous pouvez toujours revenir. Je donne un billet au maître. Réflexe. Mon cousin Mathieu nous fait visiter sa lustrerie. Magnifique lustrerie. C'est superbe. Et je crois que je suis un peu gêné parce que j'ai clairement fait ça pour faire bosser mon cousin. Je me rends bien compte que c'était chiant à mourir. Il y a des voitures. Des Porsche. Il y a un des compagnons qui te regarde, Dominique, qui regarde Jason, qui file vers Jason. Interception. Qui chope quelque chose au niveau de sa veste, et c'est au moment où tu réagis que tu fais l'interception qu'il y a une sorte de paquet de poudre blanche qui sort de la veste de Jason et qui explose en répandant partout dans la lustrerie. Hein? Quoi? Ah oui, Jason avait subtilisé un paquet de coke à Dominique. Ah bon? Il y en a partout dans la lustrerie. Ça vient se mettre sur le Baccarat de 1878, qui est un lustre magnifique qu'on pouvait voir orner certains châteaux. Qui vaut plusieurs millions et qui maintenant est couvert de coke, c'est ça? Aïe, désolé, monsieur Mathieu, désolé. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça, Francisco? Tu m'expliques? Je sais pas, je suis désolé. On va passer l'aspirateur, on va trouver une solution. Mais t'es sérieux? Au prix où ça coûte, passer l'aspirateur. Hey, Mathieu, tu vas pas me casser les couilles pour ton gala de merde de en plus de mes couilles, je t'ai fait venir Jason Statham, donc tu fermes ta gueule, tu ravales et tu passes l'aspirateur. Hey, t'as qu'à dire que ça a été touché par Jason Statham, tu le vendras plus cher. Voilà, exactement, tiens, écoute ce qu'il dit. Et si l'aspirateur n'arrive pas, je vais m'en occuper moi-même. Je me mets à renifler... À quatre pattes et... renifler le chandelier. Vu le prix que ça coûte, ce serait quand même dommage que ça parte d'un aspirateur. Ah non, je renifle tout. C'est moi l'aspirateur. C'est mon surnom à Hollywood d'ailleurs. C'est bien. Dyson, on m'appelle. Je sors mon téléphone et je commence à filmer. Oh là là. Quoi ? Ah non, c'est vrai, c'est pas l'avocat. Excuse-moi, mauvais réflexe. Ouais, ouais, je te redonne un billet pour récupérer le vélo. J'ai plus beaucoup de sous là. Oui, Jason. Jason, il se sent un peu dans la merde là. Il y a un paquet de coke qui est parti. Mais c'est pas grave. Dom en a plein d'autres. Ah bon, on en a plein d'autres ? Enfin... Mais parce que tu sais, depuis que j'ai revu Kelly... Ah non, on a dit qu'on ne parlait pas de Kelly. Bah, si. Jason. Monsieur, vous avez vu les belles lumières ? Ah oui. C'est beau, hein ? Oui, c'est beau. Je... Bon, bah, je vais prendre la cocaïne et j'en donne à Jason de force. Oh putain. Effet enlevé de stupéfiant. Oui. Ça comptera pour toute l'action globale de sniffer et tout. Hein. Je fais 5. C'est comme dans le film Hypertension. Donc peut-être que dans le film Hypertension, il était complètement shooté. Il est heureux en tout cas. Ah, il est heureux. Il est plus triste. Il commence à courir partout jusqu'à retrouver le compagnon qui lui a arraché son paquet de drogue. Oh toi. Et c'est à ce moment-là que un chandelier est pris par cet homme et est balancé en direction de Jason. Je te laisse me faire un jet de évacuation. À qui ? À la personne qui a dit non. C'est Guy. Hein ? J'ai fait 3 au D12 et 1 au D6. Tu te prends un chandelier en plein dans la tête. Tu as morti le coup. Et Jason n'a rien, c'est ça le plus important. Par contre, Jason, il a vu le compagnon. Ça fait 2 fois qu'il lui fait un coup. Il court, il saute et il lui met un high kick dans la tête. Jason, vas-y, t'es le meilleur. C'est vraiment des bonnes vacances. Il est content. Je regarde mon cousin, je lui montre le panneau, je dis c'est qui ton gus là ? Je sais pas, il est tout nouveau. Il arrive aujourd'hui. Et il repart aujourd'hui. Allez hop. Il faut le licencier immédiatement. Sinon on vous fait un procès. Mais Il essaie d'agresser Monsieur Statham quand même. Le contrat est déjà prêt, n'est-ce pas, maître ? La plainte, ouais. Ah oui, oui, il est imprimé. Attention à ce que vous faites, hein. Faut pas toucher à Jason, hein. Oui, je sais pas ce que je ferais sans toi. Excusez-moi, je suis en train de dire ça, mais par SMS, je suis en train de parler avec Martin Scorsese, en fait. Donc, je suis pas vraiment concerné par ce qui se passe. Ça marche. On peut en acheter des chandeliers, Monsieur Mathieu ? Francisco ? Ah oui, parce que voilà, j'ai dit Monsieur Mathieu, c'est toi qui joues tous les PNJ, je te laisse dire tout ça. Je vais m'arranger avec mon cousin, vous inquiétez pas, lequel vous plaît le plus ? Celui en forme de voiture. Oh. On voit pas la même chose, donc clairement tous les chandeliers sont plutôt du style classique, 18e siècle, reproduction de vieux chandeliers russes du 18e. Aucun ressemble à une voiture. Si, il y a des Porsche garés dans son truc. En dessous du lustre en fait. Ah, il veut acheter la voiture en fait, Jason. Ok, combien pour la caisse à savon là ? 2 millions. Oh, sérieux, là, combien la bagnole ? Je te parle pas de tes lustres. La voiture en dessous. 2 millions. Ça vaut 120 000 neuf. Tu vas pas vendre ça à 2 millions d'euros. Elle a été touchée par Jason Statham. D'ailleurs, Statham, il va toucher ta joue tout à l'heure. Elle va valoir 2 millions aussi. Allez, donne-nous un vrai prix là. Allez, 200 000. Je pense que ça devrait passer. Mais il y a le contrôle technique et pas à jour. Hein. Et vu ce qu'ils se mettent dans le pif, je pense qu'ils en ont rien à branler, les contrôles techniques. De toute manière, souvenez-vous que Jason, il a une carte, mais c'est du Fisher Price. Hein. Il peut pas rester plus en sans contact. Et voilà. Je vais voir Dominique, qui semble peut-être la personne à peu près sensée dans le groupe. Oui. Hein ? Et des vacances formidables, hein, Francisco. Ça part un peu en sucette, là, mais bon, c'est Jason, c'est toujours comme ça avec lui. Dominique, la personne la plus sensée dans le groupe, je suis d'accord. Parmi celles qui ont quelque chose à foutre de ce qu'il arrive à Monsieur S, parce que toi, t'es clairement. Ah bah là, moi, je suis avec Martine. Voilà, je vais même pas te parler à toi, quoi, du coup. Donc, Dominique, je lui dis, bah écoute, on a moyen de rentrer au pays en Porsche. Ouais, d'accord. Pour juste 200K, c'est pas grand-chose. 200K, ouais, ouais, laisse-moi faire la conversion, c'est en euros, là. C'est en euros. Ouais, non, très bien, ouais. De toute façon, avec Barbie, là, le gros Barbie, si jamais il prie au casting, c'est bon. Hein. Prenons la voiture, ouais. Comment l'avocat peut nous faire une reconnaissance de dette, parce qu'on la va pas payer avec une carte Fisher Price, effectivement. Non, mais c'est moi qui ai la vraie carte, je vais payer. On récupère les clés, je les jette en direction de Statham. Parfait. Montez, on vous amène à Paris, on va monter la tour Eiffel. On va peut-être pas tenir à 5 dans la... On a qu'à laisser l'avocat derrière. C'est une Panamera, on peut tenir à 5 dedans, allez. Non mais l'avocat a dit qu'il restait là et il attendait Scorsese. Oui, non, moi j'ai fini d'échanger, juste je suis en train d'écrire un petit papier. J'ai une petite signature à lui demander, voilà. Louis, je t'amène en voiture, on signera après. Tant que tu signes, c'est pas pressé à la minute, mon cher Jason. Mais oui, oui, montons dans la voiture. Bon bah, direction Paris, hein. Direction Paris, tu vois qu'il accélère à donf, fait du 200 sur les petites routes de campagne, il a l'air de vivre sa meilleure vie, alors que Louis Spinoza est peut-être attaché, est en train de pleurer tellement la vitesse lui déchire les yeux. Dominique est complètement satellisé, il ne comprend rien, et Francisco est en train de se demander ce qu'il va faire de la Toyota Prius qu'il a laissée à Faro. Et je vous propose un léger fondu au noir. Ça s'arrête sur un plan de la voiture qui s'éloigne à 300 sur l'autoroute, avec l'aileron qui se dépile comme sur le gif que je viens de mettre. Les voitures de flics qui les suivent. Bonne chance pour arrêter Jason Statham. Je suis le transporteur. Bah cool, merci. De rien, j'espère que ça vous aura plu. Ah ouais, c'était très cool, merci beaucoup. Ouais, c'était rigolo. Ouais, c'était rigolo. On s'est marré, ouais. Quand vous l'appelez Monsieur S, ça fait nom de code. Ça marche bien. Ça a commencé surtout sur l'aire d'autoroute où il était censé être discret. En tant que simple employé d'une agence de voyage, je me voyais pas à l'appeler Jason. C'était marrant, c'est juste qu'on s'est laissé porter par le truc. On n'a pas assez joué, je pense, le côté contre-espionnage avec Wesley Snipes. Ah oui, ça servait à rien en fait. Ça. Enfin, pardon, hein, mais j'ai l'impression que ça servait pas à grand chose. Bah, je pense qu'il est censé y avoir plein de petits pièges un peu cartoonesques, mais c'est vrai qu'on oui, les a. Il y a une table aléatoire, non je sais pas. Oui, il y a une table aléatoire au départ. Ouais. Tu le faisais pour lui Oui. Pour Wesley Snipes, il... ouais, d'accord. Il y avait la trappe, il y avait l'ex de Jason Statham. Ah ouais, d'accord. Il y avait les anguilles que j'ai changées par le requin parce que je trouvais ça drôle. Bah, ouais. Les plus en lien avec ce que Jason faisait en ce moment. Et donc, et le dernier, c'était... Si, ouais, remarque, il y a le moment du requin. Un paquet de coques et un chandelier lancé. Ou un chandelier qui tombe. Ouais. Le truc, c'est qu'à chaque fois, on a fait des bons lancers, ce qui fait qu'à chaque fois, les pièges, on les a déjoués en deux secondes, donc il n'y a pas eu vraiment de... On est des professionnels. De façon, mais non, c'était rigolo à jouer. Ouais, c'était marrant. Ouais, parce qu'en fait, le fait qu'il soit comme un enfant, c'est pas dans le jeu, ça. C'est un peu toi qui le joues comme ça. Je rassure tout le monde, il est quand même beaucoup moins con que ça. Ouais, mais sûrement, ouais. Mais après, c'est rigolo, c'est l'image qu'on a. C'est marrant, je me disais, pas dans le jeu. Les hommes Satam, ouais, je le vois pas comme ça, en fait. Ah non, moi non plus, on a joué le truc comme ça parce qu'on a joué la star testostéronée, mais moi, c'est pas du tout l'image que ouais, j'ai. Ouais, Vin Diesel babouliné, quoi. Ouais, à la rigueur, ouais, ou Matt Damon. C'est vrai qu'on est de suite parti dans le cliché du teubé, qui pour moi allait plus sur le côté image qu'on a de Sylvester Stallone. Ouais, ouais. Oui, moi j'avais plus l'image de l'anglais un peu plus classe. Sachant qu'en plus, Sly, c'est un mec hyper intelligent, en fait. Oui, en fait, c'est juste une image. C'était très drôle pour la partie d'avoir effectivement le mec qui pense qu'à conduire des voitures, manger des steaks et faire le fou. Faire le fou, ouais, c'est bien, ouais. Non, c'est le côté vraiment au plan, oh, tu vas jouer avec ta majorette et tout. Mais ça, du coup, c'est plutôt toi, RG, qui l'aimait. C'est dans le pitch, tu vois. Moi, c'est un peu comme Norbert. Et quand Norbert, il parle, et puis et le mec, il remue un pulse, et il fait, tiens, Norbert, on va jouer. C'est dans le pitch, quoi, les grandes vacances à Jason Statham. Je sais pas, pour moi, ça faisait partie du truc, quoi. Ouais, ouais, bah, c'est une interprétation, du coup, parce que je pense qu'on peut l'interpréter différemment. N'empêche que... Bah, moi, j'aurais fait sport extrême à fond. Tu l'as fait un peu, genre, il veut conduire tout le temps, mais pas forcément teubé, quoi. Après c'est chouette film, excuse-moi, mais, Au-delà de cette chose-ci. Après quand là quand on voit les jauges où il s'écrit téléphone à sa maman, oui. Ok, il est un peu teubé quand même. C'est pas le genre d'acteur qui va jouer dans la liste de Schindler. Hein. C'est pas par rapport à ses films. Enfin, l'image qu'il renvoie en fait. Mais bon, c'est. Puis après, le mec qui a fait le jeu, il interprète comme ça aussi. Bah, franchement, c'est le mec qui tatane, hein. Excuse-moi, dans tous ses films. Hein, non, mais je dis pas. Non, c'est... mais c'est l'image. L'image de teubé qu'on lui a faite dans cette partie, c'est tout. C'est ça que je veux dire. Et en fait, ça va bien avec. Effectivement, comme tu dis, les clones dans Saint-Gloo, il appelle sa mère pour qu'elle vienne le chercher. Oui, le jeu est orienté pour qu'il soit un peu enfant, du coup. Ouais, je pense qu'on s'est surtout laissé guider par ça. Une autre question sur les scènes, tu nous as dit avant la partie les scènes qu'il y allait avoir. C'est écrit dans le jeu ça ? Non, mais comme vous les aviez tirés au sort, je m'étais dit que c'était mieux de vous participer. Vous ne tiriez pas du tout. Ah oui, c'était ça les lancers. Ouais. C'était les scènes en fait, d'accord. C'est ça. Et moi je vais quand même réussir à vous trouver musée du chandelier. Bravo. Et des choses à peu près cohérentes sur le parcours quoi. Sentais que tu bossais. C'était à la volée mais. Ouais, c'était bien, c'était écrit. Je crois que l'étape d'après c'était le musée de l'automate à Souillac, tu vois. on était bon là, c'était génial quoi. La France. Après sinon il y a le festival de l'Airos à Lautrec si vous voulez. Ce que j'ai trouvé drôle c'est qu'au bout d'un moment quand t'as commencé à me demander pour la drogue et du coup j'ai parlé de mon cousin. Ouais. Je te dis de jouer le mec qui maintenant place tous ses cousins qui emmène tout ouais, le monde. Ouais, c'est parfait. Ouais. Parce qu'il est originaire de là-bas et qui du coup il place tout le monde pour faire des thunes. Ah c'est crédible. Jusqu'à finir avec une grosse star dans un musée du chandelier dont tout le monde se fout quoi. Non enfin le jeu est très sur les clichés et tout, c'est marrant. C'est le coup de la drogue, c'est écrit sur ma fiche, hein, je l'ai pas inventé. Faudra peut-être mettre un warning. Un disclaimer. Ouais, un disclaimer. Celui-là, c'est chaud. Hein. Ouais, je suis d'accord. La drogue, les cousines. Certains discours. On éclate la gueule à Billy Zane, il y a l'ex de Statham. Moi, c'est pas ce qui me gêne le plus. C'est plus les situations avec les cousines ou l'alcool. C'est tellement des sujets extrêmement sensibles. Aujourd'hui, le public, on sait pas qui est. Alors évidemment, c'est souvent des gens de notre âge, mais si jamais t'as un gamin de 12 ans qui écoute ça, j'avoue que voilà, moi ça me choque pas, je m'amuse beaucoup et quand j'écoute je rigole beaucoup. Mais je sais qu'il y a déjà eu des précédents. Effectivement. On a bien rigolé en tout. Non, mais très sympa, très rigolo. Et voilà, c'est désormais la fin des grandes vacances à Jason Statham. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur les réseaux sociaux et à partager ce dernier. Bonne journée à vous et à la prochaine. Bye.